This is, we're actually starting the actual scenario now. This is called Operation Damsel. You know, like a Damsel in Distress? Yeah. Je vais vous la, donner après, je vais vous la lire. Operation Damsel. C'est, it's currently August 9th, 1998. Operation Damsel. You are to investigate the disappearance of Abigail Laura Wright. A successful commercial illustrator and artist, Abigail was last seen 4 days before she was reported missing by her father, Thomas Wright. Thomas Wright is a Nassau County police officer, and he has pulled some string to get the NYPD more involved than usual in the case. Ça, c'est à Manhattan, by the way. Ça se passe à Manhattan? Ouais. Abigail had been living in Manhattan for more than 7 years and has only been to the police once to report a mugging in 1994. The case is still unsolved. No. Beside this, she has a distinguished academic record and an impressive list of credentials and former clients. Late last year, her first show was held on Franklin Street downtown at the Mercury, a small but trendy art gallery. She managed to sell 15 pieces and with this money, took half a year off to paint. Since 6 months later, she disappeared. Her father tried reaching her for 4 days before calling a friend at the NYPD on June 4th. When the police opened her studio on 32nd Street East, they found a baffling tableau. What once was a modest apartment has become an obsessive-compulsive dream. Every available surface is covered in junk, glued or taped to the walls. Only the floor remains clear, the rug yanked away to reveal the battered surface. Among the junk were sets of dentures, a 1944 wheelchair, some modern and antique artificial limbs, dozens of shirts, shoes, briefcases, assorted radios spanning several decades, all manners of jewelry, earrings, rings, and necklace, thousands of pieces of paper from all design and ages, some in Spanish, Mandarin, and a full college economic reports in Farsi. All of these items were glued to the wall with fast-setting, cheap, full-bond epoxy glue. Prior to this, Abigail had been a fastidious young woman, not giving to accumulating odds and ends. There were no signs of a struggle or any other sort of violence, and the neighbors could offer no useful testimony. On August 4th, Abigail's credit card was used in Patience, Maryland, to purchase a pack of old gold cigarettes, and the case was given over to the New York FBI as a possible interstate kidnapping. The FBI re-examined the tenants of the building and Abigail's associates and friends, and soon came to the same dead end which stopped the NYPD. The employees at the gas station where Abigail's credit card was used had no particular recollection of the transaction and did not recognize Abigail from photographs. The signature on the receipt was her name, but not her handwriting. The gas station has no surveillance camera. Amongst the debris in Abigail's apartment was a piece of paper with a symbol known to Delta Green. Mission instructions. You are to examine Abigail's disappearance with a particular attention towards connection to the occult and the supernatural. You have a friendly contact at the FBI if you need her. Her name is Sandra Livingston. She's a forensic analyst. Elle travaille principalement dans le laboratoire. C'est pas mal ça. Fait que June 4th, she was reported missing by her dad. June 5th, the NYPD investigates the scene. Son building d'appartement s'appelle le McAllister Building. June 6th to 10th, all residents of Abigail apartment building are interviewed, as are her friends and associates. Lack of further leads puts the case on the back burner. Le 4, August 4th, so like almost a month later, Abigail's credit card is used to purchase a pack of cigarettes. August 6th, the FBI reviews the case. August 9th, lack of leads. Lack of evidence. In Maryland, brings investigation to a dead end. The case goes cold. Cold case. So we're called in for what? Because it has some apparently, link to the apparemment, dans l'appartement, ils ont un des symboles, un des papiers qui était collé sur un des murs. C'était relié à... Ça serait c'est un symbole que Delta Green a déjà vu dans d'autres occasions. Puis on peut même pas le savoir parce qu'il est classified. Yeah. Motherfuckers. On peut pas savoir c'est quoi les autres occasions. Elle gluait des affaires sur son... Qu'est-ce que c'est? Les autres occasions, ça ressemble à quoi? Je peux te le dessiner parce que tu vas peut-être savoir c'est quoi. Fait que je veux pas. The McAllister Building, Sandra Livingston. Ça, c'est le contact, le seul contact qu'on a. Si vous avez besoin d'une friendly, elle peut vous aider. Sandra Livingston, FBI forensic analyst. The FBI, oh yeah. June 4th, Abigail Wright is reported missing. June 5th, investigate the scene of the McAllister. June 6 to 10, the residents are interviewed. J'imagine qu'on a accès aux interviews. C'est tout comme, personne n'a rien vu, personne n'a rien à dire. Puis, mais vous pouvez les réinterviewer si vous voulez. Okay, on peut les réinterviewer. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ça veut dire qu'il faut qu'on se présente en tant que FBI agent? Ouais. Ben, tu sais, je... Ça fait longtemps. Long time for me too. C'est vrai, dans le fond, on avait personnel des FBI agents de toute façon. Hey, j'avoue, si on se fait pogner à faire ça, moi, si moi je me fais pogner à faire ça, je suis comme dans l'ordre. Non, ben, nous autres, on est des vrais FBI agents, mais toi, je pense que c'est 10 ans en prison, je pense, pour un impersonate federal agent. Let's try this! Mais c'est fou, yeah, check, c'est comme 2 mois plus tard que sa carte de crédit est utilisée. Puis où c'est ça? Au Maryland. Au Maryland. Fait que c'est comme une patience de Maryland. Ben, pas tant que ça, c'est pas plus loin que ça. Pas trop loin, mais c'est pas à côté pareil, on s'entend. FBI News Investigating Case as a possible kidnapping. Ça vaut-tu vraiment la peine de se rendre au Maryland? Puis, Acer veut qu'on simplement qu'on investigue les. L'appartement. Eux autres sont où? Moi, je suis à New York. Disappearance, ouais. Toi, t'es à Manhattan, eux, on le call. Fait que eux autres, toi, t'étais en Virginia, toi, t'étais à Quantico, puis toi, t'étais au. Ah, je sais comment je vais m'en sortir. J'ai une licence de PI. C'est une fake, là, mais. J'ai une licence de PI au nom de Norman Flynn. The recovering alcoholic private investigator. That's it, exactly. I don't tell the clients I'm a recovering alcoholic, but still. Thomas Wright, c'est quoi le lien en tant que tel? Lui, c'est juste un attorney. Thomas Wright, c'est son père. C'est un county police officer. A county police officer? Puis quoi, Thomas Wright a essayé de pull des strings, ouais, genre, c'est ça, pour essayer de ramener la pizza. Faire avancer l'investigation. Quoi, c'est ASL, vas-tu nous envoyer Non. Rien pas encore? Trop pas spécial. Il n'y a pas rien qui a été considéré comme étant pertinent. Fait que nous autres, après ça, on rentre en contact. Est-ce qu'on s'appelle ou si on se... Il n'y a pas de witness report, ça, rien pas encore qu'on peut avoir action? Il n'y a rien. Fait que, moi, je leur écris un email. You guys got the email? Ben oui, c'est 98. Le email est inventé. On est à la fine pointe de la technologie. Ben oui, aussi. Avec nos gros ordinateurs avec les emails. Exactement. Ah, the 90s. J'ai écrit un email. Simple time. Ben, vous reçu l'email? Pourquoi tu nous calls pas simplement? On a des cell phones. C'est fucking call, là. C'est ASL qui nous envoie des. Ah, c'est. Des bandes impersonnelles qui sont. Là. Ah, je vous garde. Ok. Fait que vous pouvez tout meet up à. This. How you doing? Been a long time? Yeah. How's it going up there in Manhattan? Well, I guess I'll have to start looking first, since I'm the closest. Yeah, I bet you will. So, what's the time frame for this? Begin the investigation right now? Toi, dans le fond, c'est à Boston. Moi, j'étais à Quantico. Quantico, c'est où ça? Virginia. Tout le monde peut se rendre à New York quand même relativement rapidement. Ben, lui, ok, loin, non. Quand Arizona. Well, ouais, lui, il est à Arizona, mais. Virginia, c'est proche de Maryland. Ouais, c'est un petit peu au sud, je pense, hein, Virginia. C'est pas si loin de. Fait Would you mind checking the gas station? The gas station? Before coming here? I could do that. It's on the way. Sure, I'll look that up. All right. Keep me posted. Are you gonna call Johnson? Yeah. All right. Give me news. Keep me posted. Sure. Perfect. Tu vas aller là-bas. Johnson, lui. You? Johnson. I think I recognize. You got the mail? Did. All right. You coming? No. I wish I couldn't, but I guess I will. All right. Here's my address. I was in the middle of therapy, man. Got anything you want me to bring? That's it. So, tout à l'eau gas station. It's a gas station. You know, they have gas around the station. Ça fait combien de temps? On est dans quel mois, là? On est en... Vous êtes en août. August. On est quel jour, hein? Le... 7, le 9th. On est le 9th? Le 10, là, ça va être plus simple. On est le 9th, ça. Ouais. C'est le 10 août, il y a une... Parce que les Maryland Brings Investigation. Fait que, bref, le case a été droppé hier. Ouais. Pretty much. Gotta pick up the slack. the month of August is extremely warm. Il y a genre une grosse canicule à New York là. Genre tout le monde a sold out de d'air conditionné. Everyone hanging out outside. Comme il fait fucking chaud. Puis genre dans les quartiers pauvres là, comme les enfants genre ils défoncent les bonnes fontaines. Et je vais dans l'eau. Fait que tout ça pour dire que si vous êtes à l'intérieur avec des vestes par balles, à toutes les heures, vous allez perdre un willpower parce que vous suez comme des hawks. Pas de la veste par balle. Pas de la veste par balle 24h24 non plus. Ouais. Yep, you're going to Maryland. You find the gas station. What do you want to do? It's a gas station, there's... C'est arrivé quand exactement à la fin du gas station? C'est arrivé genre là, au début du mois, là. Ouais. The Kearns, August 4th. Pack of cigarettes in Patience, Maryland. Je vais en voir directement là, au counter directement, voir s'il se souvient justement d'avoir... c'est quoi la description? J'ai-tu la description de... Ouais, vous avez toute une photo. Ah, on a toute une photo, vous avez une photo. Hi, I'm an investigator with the FBI. There was really, the FBI? What happened? On August 4th, a person of interest came to the store... buying a pack of cigarettes. Oh, you heard about that that lady, right? Yeah, probably law enforcement agent. Yeah, I was here. Brady. Brady. Brady. I want to talk to Brady. Brady, star college kid. He's a bit pimply, and I don't remember. I mean, selling her cigarettes. Was she underage? Il a peur de perdre sa job, c'est plus. Probably not. Oh, okay, okay. Don't you about your job, Brady? We just want to know if you saw something or anything unusual about that one. I don't recall anything. I don't remember seeing. I mean, she looks really pretty, but I don't really remember seeing her. Did she seem under duress, or she was fearful? Did she look above her shoulder a lot? Not to my knowledge. Not that I recall. I don't remember her. Honestly, I don't remember if it was her or someone else or. You still have her credit card receipt? Ah, bien sûr, le comité dégueulasse. Ils l'ont gardé justement parce que la police s'en était occupée. Puis, ouais, il a reçu une carte de crédit. Là. C'est son nom qui est signé dessus, mais. Tu sais, tu n'as jamais vu sa signature, mais selon le report, c'est pas son handwriting du tout. Ok. Mais tout de même, je vais prendre en note le nom de la carte de crédit pour pouvoir investiguer. Je prends ça en note. So, you don't remember anything other unusual that you can think about? No, nothing comes to mind. I mean, if I think of something, I'll be sure you know, to call the. Okay. Call me if there's anything. Oh, I'll call you. I was just gonna call 911, but okay, I'll call you. I don't worry about it. Call me directly. Thank you, Brady. Have a very nice day. You sure you don't want a coffee or anything? You know, on the house, some beef jerky. I'm good. I'm good. A bag of chips. I don't want your piss and coffee. Be my friend. This coffee. Okay. Be my friend! Gratuit, là. Brady, il s'appelle Brady, il travaille dans un petit. un gas station de merde. Je pense que ça sonnerait bien, Agent Brady. Ça s'appelle genre. La ville où il travaille s'appelle Patience. Patience, Maryland. Genre, habitation 800, genre. Sans mort, que des tumbleweeds, là. Tellement. Je continue on my way to Manhattan. Ah ouais. Ben moi, en les attendant, je vais faire une première ronde. Tu vas check out le building? Ouais, je vais check out le building, puis je me fais ça. Je me fais passer pour un Norman Flynn Private Investigator. Okay, the building, c'est un building de 3 étages. C'est un brownstone, là. C'est juste un building en briques. Au-dessus de la porte, carved, comme dans un arbre, il y a marqué McAllister. C'est comme le nom de l'immeuble. C'est probablement un immeuble qui date les années 20, les années 30, là. Mm-hmm. Ah oui, avec un espèce de design, un petit peu genre de faux château. Tu sais, comme mettons, à l'entour des fenêtres, t'as comme des espèces de petits parapets, là, pis t'as comme des espèces de... C'est des colonnes en avant. Ouais, genre des colonnes en avant, pis t'as comme des espèces de gargouilles un peu chipettes en haut. Nice. Tu sais, il y a comme des petits remparts artificiels autour des fenêtres, là. C'est juste comme parfait. Ouais, c'est ça. Yeah. Okay. Sort of well maintained. I mean, pas en super top shape. Fancy là. Enough. Ben... Pour le quartier, ça a l'air un petit peu moins bien maintenu que le. Comme le reste du quartier a l'air un petit peu plus riche que ce building-là. L'entretien a l'air d'être fait, mais pas avec quelqu'un qui a nécessairement énormément de budget. T'as, à l'entrée, c'est juste comme une espèce de grosse porte avec une vitre, puis t'as un buzzer avec les différents numéros d'appartement. There are 12 apartments. Excuse-moi, il y a 3 étages, il y a 4 appartements par étage. C'est ça, puis plus le ground floor, où est-ce que c'est le concierge? C'est ça, puis ben en tout cas, du moins, c'est ce que ça a l'air. La porte d'entrée principale est à complètement à droite. Si. Ouais, où est-ce qu'il y a comme un trou? Où est-ce qu'il y a un trou? Ben, la porte est barrée. Tu peux voir à travers il y a, la... Il y a des boutons, puis ouais. Je peux sonner pour... Ils sonnent tout en même temps, comme un jackass. À travers la fenêtre, déjà, tu peux voir que... Tu sais, il y a plein comme de circulaires puis de newspapers qui ont comme tout été crissés dans le coin, là. Y a-tu quelqu'un? Not that you see, no. Mm-hmm. I mean, comme les lumières sont ouvertes, puis on va dire qu'on est comme en fin d'après-midi, là. And that's it. Tu vois l'escalier qui monte pour aller comme sur le ground floor. Puis il y a un escalier qui a l'air de descendre vers une porte, vers soit un sous-sol ou un single apartment ou quelque chose. Bon, je check les boutons. Y a-tu juste des noms de personnes? Oui, y a juste des noms de personnes. Mais en fait. Y a-tu celui d'Abigail chose? Oui, ouais, y a l'appartement d'Abigail. Et c'est quel appartement? Sur le ground floor, c'est l'appartement A2. Fait que c'est celui qui est à... Quand tu rentres, ils sont numérotés, comme ça je disais. Fait qu'il y a 12 appartements. Il y a les appartements... Il y a 12 appartements. Il y a des noms sur tous... Le A2, excuse-moi. Ouais. Et tous les appartements ont des noms. Le C3 a l'air d'être vide. OK. Puis là-dessus. J'essaie le premier en haut. Le premier en haut. OK, le premier, c'est Thomas Manuel. T'as demandé un luck roll. Fait que luck, c'est power times 5. Tu l'as-tu? Oui. Ouais, ok, parfait. Ben, ça buzz, ça fait yes. Good morning, sir. I'm a PI working for Mr. Thomas Wright. I'm investigating the disappearance of his daughter. I have just a few questions to ask you, if you would please. Yeah, okay, I'll buzz you in. Thank you so much. I got it. Sound kill anybody in here. Eliminate all witnesses. Eliminate. Oh, that's not the instructions. Oops. Too bad. Sorry. OK. Fait que, yeah, you're inside the building. I mean, bon, ben, je commence par aller voir chose que je m'appelle déjà plus souvent. The guys, Thomas Manuel. Thomas Manuel. OK, ben, tu t'en vas à l'appartement 1A. I guess you knock. Tu sais, t'entends comme quelqu'un qui chauffe à l'intérieur, qui traîne les pieds un petit peu. Finalement, la porte se débarre, la porte, elle s'ouvre, puis... He's a... What does he look like? He's a young Hispanic guy. He's about in his 20s. He looks a little shy. Tu sais, il est habillé en même temps avec un hoodie, des jeans. Puis, tu sais, il a l'air d'un artiste. Il y a de la peinture, mettons, qui a comme taché son chandail. Yeah, he looks a little shy, a little intimidated, maybe. Fait que, tu sais, j'y montre d'abord ma fausse carte de Pierre. OK, il regarde à peine. C'est juste par routine. Puis je sors mon petit calepin parce que je commence à prendre des notes en posant quelques petites questions. All right. How long do you know Abigail... Abigail Wright? Yeah, do you know Abigail Wright? Have you ever seen her? Yeah, I mean, Abigail, yeah, she, I mean, we call her Laura around here. She prefers her second name. Oh, I mean, her middle name. Yeah, I knew her pretty well. I mean, she lived in the apartment across from me. She's a really cool gal. I mean, there's not much to say. How would you describe her? I mean, how can I describe her? She's definitely a free spirit. Honestly, I'm not too surprised that no one is finding her. I don't think New York could really hold her. New York was just too small for Laura. I mean, I went to her place for a few parties. We hung out sometimes. We just talk shop mostly. And yeah, I mean, she's a cool girl. I think it's good for her that she moved on to something else. Yeah, I mean, I guess that's it. Did you ever notice when she moved, when she went away? No, I mean, I work a lot. If I'm not working on my tapes, I'm usually downstairs working on my paintings, so I... Your tapes, you mean you're a singer? No, I do sound design mostly. You know, I record things I hear, and then I mix them up, and I do other things with it. It's kind of, you know, you have to hear it to really understand what it is. All right, thanks. Did you ever paint with her? No, we got really different styles. I mean, her stuff is great, it's just, you know, it's not just not what I do. What kind of painting do you do? It depends on the day. It's just mostly how I feel. I just paint how I feel. Well, thank you for your time, Mr. Manuel. Yeah, sure. If I have any more questions, can I come back and see you? Yeah, sure. Happy to help. Thanks so much. All right. Bon, fait que. Fait un écran bleu, on ferme ça. Ouais, moi j'étais. Moi j'étais rentré, non? Ouais, ouais, tu l'as. Mm. Ouais, fait que le temps que tu fasses ça, puis que tu scopes la place, tes deux buddies arrivent. So, yeah, you're at the McAllister building. Finley has been in. Je qui m'appelle sur mon cell. Ouais, ouais, tu crées genre un des circulaires qui traîne pour tenir la porte, pour pas qu'elle se referme. Nice. Yeah, you're free to do whatever you want. Ben, on s'en va dans l'appartement. La montre est où là-bas? C'est lequel sur la map là? C'est le 2A. En fait, non, c'est celui dans le fond à gauche. Non. Ouais. C'était quoi, c'était au deuxième étage? Ah, mais c'est en arrière. C'est ça ici. Mm-hmm. C'est ça ici. Okay. Ouais. Les appartements sont quand même grands côté standard de New York. Voilà. Pis, ça, c'est un 6,5. À date, Thomas Manuel a l'air d'être un artiste. Gros, Laura, ben je disais Abigail Laura Wright. C'est surtout une illustratrice, mais comme à date, il y a déjà deux artistes dans le building. Ah, c'est comme un. Ça de même, là. Quoi, le propriétaire, c'est un mécène, genre, on n'a pas le même, là. Maybe. J'ai pas encore eu le temps d'interviewer d'autres mondes. Mais bref, je vais faire mon petit rapport. De toute façon, apparemment, d'après ce que je peux lire ici, il y a personne qui sait quoi que ce soit. Là. So, what's your plan? What do you guys want to do? Bon, on va évidemment investiguer l'appartement, voir justement là, toutes les. Le problème, c'est que la porte est barrée. Il y a personne qui a dit. Du locking, non? Personne qui a pensé à ça. I don't got no lock picking. I could have, but I didn't. Ça existe-tu? Est-ce que craft est un restricted skill? Ouais. Ouais? Well, I guess you guys are shit out of luck. Faut que vous soyez créatifs, là. On pourrait peut-être appeler nos ressources pour voir si on peut obtenir la clé. Ben, yo, le super, il y a pas un super quelque part qu'on peut appeler, là. Ouais. Vous pouvez essayer de voir, vous pouvez appeler le monde qui own le building. Ben, on va aller voir le super direct, aussi. Il y avait pas une place quand tu peux rentrer qui était dans le sous-sol, je comprends, ouais. Là. Je sais pas, le super, il y avait ça, ouais. Vous allez là? Il y avait ça? Ouais, puis il y a un escalier qui descend vers un. Let's go to the super. Alright, you go down the stairs, you open the door, and it's a basement. There's four big sort of locker units. Une espèce de single room. Il n'y a pas de super dans le sous-sol. Là. C'est comme une affaire de storage. Là. Ok. Est-ce quoi le closest apartment with somebody in it? That guy. That guy, is it the Thomas something? Thomas Manuel. Bon, on s'en va le voir. Thomas Manuel. Pas tout ce qu'il y a, il fait déjà une relation avec. On va le faire après, on s'en va le bas. FBI! Sauf que moi, je me suis présenté comme un PI. Ça marche pas si le PI travaille avec la FBI. Je n'ai pas été avec toi. Ah, c'est ça. Vous allez passer derrière lui. Hi, we're unrelated to that guy who was there 10 minutes ago. On va attendre à la table, on va voir Thomas demander c'est où le crise de Super. That's good call. Fait que je me retourne voir Monsieur Manuel. Je vais te demander un lock check. Lock check. C'était power plus 5, right? Nope. There was no answer at the door. Check ass! Open the door! He's masturbating, give him time. Give him 5 minutes. Ok, ben. Il y a un autre appart, là, sur. Non, ben, c'est l'appart en face! L'appart en face qui est le 3. Le. C'est ça, 3. Ouais. Non, s'ils sont en clockwise, le 3, c'est ça. C'est une 4. Old lady. Mais le 3 est vide, tu m'as dit. Ouais, le 3 est vide. Le 4. Le 4, parfait. Give me a. Lock roll. Yeah, lock roll. Damn! Tu l'as-tu? Non. Non. There's no answer for now. So, Johnson, is it fun in Washington? Vous êtes dans le couloir puis vous chillez. Hey, mais attends un peu, est-ce que je suis sorti moi du McAllister entre temps? Ouais, sure. Ok, je suis ressorti. Ouais. C'est un autre jour? Non, c'est la même journée. C'est juste it's like 20 minutes later. Ok. Yeah. Jackass. Computer stuff. Or maybe he's just not answering. Just pretty boring shit. No. I see that you have your leg back. That's a good thing. Oh, yeah. I'm gonna go up some stairs, guys. There's no answer here. We can just break the thing. Who is this unknown person speaking to us, friend? I don't know. He doesn't look like anyone we know. Shut up. We should move away from him. Careful, we're FBI agents. I hate you guys. Okay. Rub it in, rub it in. Ben, si tu regardes, bon, tu sais, vous aviez quand même les records d'investigation qui avaient déjà été faites. Côté ownership, le building est la propriété d'une compagnie qui s'appelle Art Life. Mm-hmm. Comme Art Life en un mot. Yeah, I get it. It's a non-profit firm that purchases property. Ben, dans le fond, c'est qu'il achète des propriétés, il rénove, puis il loue le plus cheap possible à des artistes, principalement. C'est pour comme promouvoir, dans le fond, justement, les artistes professionnels à Manhattan, pour leur donner une place où est-ce qu'ils peuvent vivre pas trop cher dans le quartier. Est-ce que le NYPD, vous avez investigué? Ben, il n'y avait rien de particulier par rapport à cette compagnie-là. C'est un non-profit. C'est un non-profit. La personne qui s'occupe d'administrer ce building-là en particulier, c'est aussi celle qui run la compagnie. Elle s'appelle Cynthia LeChance. Cynthia LeChance. C'est une art collector, mais c'est aussi, dans le fond, depuis qu'elle a parti cette compagnie-là, elle est surtout comme en immobilier. Là. Fait que, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de super pour le building, parce que tout ce qui est entretien, whatever, est fait de manière privée à travers cette compagnie. Elle a pas engagé quelqu'un, c'est ça, c'est parce que c'est un non-profit. Ok. Ouais. Ok, pas de super, great. Ok, bon, on call back. Sorry, no super after all. No super after all. Fait que j'en descends. Ok, ben, we gotta go, goddamn call, mais Miss LeChance. Y a-t-il un numéro, un pen? Ouais, y a un numéro. You gonna call her? I call her. Moi, pendant ce temps-là, je retourne à la porte de Manuel, puis je cogne vraiment fort. Puis j'arrête pas pendant une bonne minute et demie, deux minutes. The door does open. Okay. Il a toujours l'air... il ressemble à ce qu'il avait l'air tantôt. Il a juste l'air un petit peu plus comme... Stone. Pas annoyed, mais il était clairement comme en train de faire d'autres choses, puis ça l'a dérangé. Puis il est comme... I'm very sorry to disturb you again, Mr. Manuel. Yeah. I was just trying to I was just trying to access Mrs. Wright's apartment. Laura's apartment? Yeah, Laura's apartment. Il a l'air un petit peu annoyed là, mais il est comme okay. I was trying to see if there was a super that I could contact. you could call Miss LeChance. She's in charge of the building. She has to have a key. She's got a key for every single apartment. Or you could call... you have her number? You could call Laura's... I mean, aren't you working for Laura's father? Well, he didn't find it pertinent to give me the key. Well, he might have forgotten. I'm sorry. That's Suazio. Okay. Persuasion. Nope, il est comme... Well, non, mais comme, il a pas l'air de penser que tu mens, mais il trouve que c'est un peu weird, là, clairement. Well, do you have Miss LeChance's phone number that I could do? Yeah, sure, yeah, of course, I probably have it somewhere. Puis comme il sort dehors, tu sais, puis il laisse la porte ouverte, tu sais, puis il est dans son appart, bon. Je snoop around, juste un peu pour snoop around, juste pour regarder de quoi ça a l'air, rapido. Tu sais, je rentre pas, mais je fais juste pencher la tête, juste pour regarder rapido. There's a lot of paper tissues sticking around. Some sticking to the walls. Une blow-up doll enchaînée après un poteau. Non. L'appartement est assez austère. Il n'y a pas... étrangement pour quelqu'un qui est un peintre, il n'y a pas comme aucune peinture sur les murs. Il n'y a pas d'or accroché nulle part. Là. Mm-hmm. Peut-être c'est un poète. Dans le la... Parce que de ce que tu peux voir, ça a l'air assez minimaliste comme place. T'sais, ça a plus l'air d'une chambre d'hôtel que d'une comme de la maison de quelqu'un là. Ça a l'air très minimaliste, très austère. C'est super clean, tout est comme tout bien placé, un petit peu obsessif compulsif peut-être là. Tout est bien cadré là. Cordé pardon. It does not feel like a home basically. And it arouses my suspicions. It's a ringer. It arouses my suspicions. Il y a une grosse collection de cassettes audio. Il y a quelques CD-ROM aussi. C'est quand même assez récent ensemble. Je vois tout ça de l'entrée, là. Puis c'est à peu près ça. Ben, je dis, ça donne comme dans son salon puis tout. Ouais. Fait que ça a l'air d'être son pièce. Il s'en va comme sur le côté, probablement une place qui est vers le bedroom. Ouais, fait que moi, je suis quand même capable de rentrer ici. Ouais. Ça a pas mal l'air d'être ça a l'air d'être plus vers comme le bedroom, si tu l'entends rummage un petit peu, puis là, comme il revient avec genre une petite carte. Là, je fais comme si au contraire, j'étais à l'extérieur. Okay. C'est bon, fait que t'as le numéro pour rappeler Art Life, qui est la compagnie qui administre le building. Thank you very much, Mr. Manuel. Sorry for disturbing you again. Le numéro pour Madame Lachance. Oh, ouais, mais c'est... C'est le numéro. C'est pas une grosse compagnie, je présume. Sorry for disturbing you again. Yeah, yeah, okay, you know. Happy to help. Which sounds like bullshit. Of course. Okay, fait que, yeah, you call Mrs. Chance. Yes, hello, Art Life. How can I help you? Yes, this is Special Agent Stephen Devereaux from the FBI. Oh, dear Lord. I don't feel bad. We're just following up on a few leads that we had in Maryland. Oh, this is concerning Abigail, right? Yes, Abigail, Miss Wright. We're still leading the investigation. We would need to get access to her apartment, but it seems to be locked right now. Yeah, of course. Could you just maybe swing by? No, of course. I mean, I'm happy to help. I'm closing shop in about an hour or so. We close at 6, so as soon as I've got the key in the door, I'll run over to the building. And are you at the McAllister? Yeah, right now. But if it's possible, maybe we could just come where we are right now, and maybe. Yeah. I'll bring you the key as soon as I'm done here. So give me. I should be there in about 45 minutes or so. 45 minutes. Mm-hmm. Okay, we'll be waiting. Thank you, Mr. Chance. Yeah, of course. Bon, à la cloche, parfait. Fait que vous allez avoir les clés, ça sera pas bien long. En attendant, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez faire? Stand close, really close to the agent. Moi, je vais aller au coffee shop. Do you guys want anything? I'm going to the coffee shop. All right, coffee shop. Je viens de participer à la destruction de ta chaise. Mais regarde, ça, c'est pas une joke, là. Oh, ouais, à ton marine. Non, oh, mais lui, en même temps, il est pas fiable. Il arrachait des morceaux de mon divan, man. Hey, j'étais sous, c'est mon frère. Si. Si. Mais bref, do you guys want anything at the coffee shop? Remember, you gotta make yourself scarce when the lady gets here. I'm not done, please. Elle va pas carter tout le monde, là, tu sais. C'est ça, tu sais, je veux dire. En même temps, moi, j'étais avec mon corps de cuir, là, tu sais. Ah, pourquoi t'es pas en nondescript suits like NBI agents? Parce que il y a plus l'argent pour s'en payer. Il a fallu qu'il épande. Des cheap suits! Je l'ai pas dit! Il a fallu qu'il épande pour acheter du Jack Daniels. That's tu peux même pas t'acheter un cheap shoe, genre un cheap shoe. Ah, écoute, depuis que je suis au Apocalypse, c'est un cours de cuir qui est badass. Parfait, fait que toi tu t'en vas au coffee shop, alright. Puis ben, tu sais, il y a un coffee shop genre en face ou quelque chose. Ouais. Fait que ben, je reste au coffee shop dans le fond. C'est une manette. Ils m'ont rien demandé quoi que ce soit. Fait que je m'assois au coffee shop, puis je m'assois en face, puis je me pogne un croissant, puis une. Un croissant. J'imagine le gars full beef avec son petit croissant. Ben, puis un café. Il y en avait un petit bout de mettre du beurre dessus. Un petit espresso court, minuscule. Moi, je l'imagine vraiment de même. J'avoue, c'est tellement ça. Dans un petit croissant. C'est tellement ça que je fais. Parfait. Fait que vous faites juste attendre chez qu'elle arrive. Je veux pas y un journal en même temps. Ben, je sors dehors. Pas de tout. Mais tu sais. Peux-tu voir, je suis près de Jimmy une fenêtre, peut-être, quelque chose de même, ou juste que je suis capable de voir à l'intérieur. Tu peux faire le tour du building, ouais. Qu'est-ce que ça peut être? Fenêtre. Climb pour get to the window, I guess. Ben, je peux-tu voir, il n'y a pas une la, fenêtre la première fenêtre est à quelle hauteur? Non, y a pas... Oui, ben, elle est pas à hauteur d'être comme reach facilement. Là. Faudrait que... Il n'y a pas de backdoor ou de emergency escape ou shit de même? Non, mais dans le fond, c'est que c'est des... Ceux qui sont plus hauts, il y a des escaliers avec des fire exits, mais les échelles sont montées. Tu peux avoir accès à une fenêtre ou à l'échelle si tu veux, c'est juste que c'est à plus que 6 pieds du plancher. Là, ok, c'est... ouais. Il faut que tu climbes. Je vois rien à l'intérieur des fenêtres, j'imagine. Non, il y a l'air d'avoir plein d'affaires qui ont été collées sur la fenêtre. Ah, ouais. Ok, ouais, c'était juste le plancher que tu disais qui était. Il n'y avait pas rien collé dessus. Bon. Ok, ben, puis je détaille rien d'allemand dehors, je présume. Il n'y a pas rien qui a l'air de descendre là-bas. Bon, ben, je rentre à l'intérieur à nouveau. Moi, je reste à côté de la porte, à côté sur le mur. Moi, je reste pas à côté, pour juste parce que... Tu resterais pas uncomfortably close to me, genre. T'es où, excuse-moi? Moi, je suis encore dans le building, à côté de la porte. Ok. Si on a appelé la fille pour qu'elle vienne nous débarrer la porte, moi, je reste à côté. Donne-moi un alertness. Je ne l'ai pas donné. Okay. Fait que t'es par la porte, puis t'attends que le monde arrive, là. Moi, je regarde, une fois que je suis assis, je regarde pour... j'attends que la voix fait rentrer. Ok, parfait. Ben, après 45 minutes, comme on l'a dit, bon, peut-être plus comme 50 minutes, un petit peu en retard. Il y a une fille qui arrive, une femme, là, probablement fin trentaine, début quarantaine, quand même well put together. Quelqu'un qui est pas nécessairement riche, mais qui est, you know, living well, successful in whatever she's doing. Avec un, je sais pas là, probablement un tailleur, là. Short hair. She looks a little worried. She looks eager, I guess would be one of the words. Yeah, she looks eager to help. Are you Tidor, right? Are you the agent who called? Yeah, Miss Chance, I'm Agent Devereaux with the FBI. Nice to make your acquaintance. Here's a key. I made you a copy of the key, which is why I'm late. I'm sorry. If there's anything else I can do to help, don't be shy. Just ask. You have somewhere to go, Mr. Chance? Oh well, I have to go home at some point. I get it. Of course, do you have a card or something which I could call you during? Yeah, of course. I donne sa carte, qui est la même carte que Finley avait. If you read anything, call me directly. Yeah, of course, most definitely. I mean, I've already met with some of your colleagues last week. I told them everything I knew, which was very little. I mean, We have pretty much all of your statements, Mr. Chance. Right now, we won't need you, but thank you for your help. Okay, well, happy to help. Pleasure. It's just, I don't know, I've just... I hope this is done quickly because I've never had to evict so many people before. But you know, anyways, I will. You just call me if you need anything. Yeah. Had to evict some people or something. Look, I'm after getting your bus. Yeah, it's just a lot of those tenants haven't. Actually, none of them have paid any rent in the past maybe 3 or 4 months or so. So unfortunately, in the next few weeks, I'm gonna have to hire a firm and just evict everyone. Which is kind of... I mean, I've evicted tenants before, but not an entire building at once. All your tenants at once have not paid their... Yeah, no one has paid rent for the past 3-4 months or so. Hmm. Is there a specific problem linked to this that you... No, they about? Just... Or... They... I mean, some of them are fickle. They're all artists. And I can't speak bad for artists. I mean, I'm one of them myself. But they're just... They don't seem to... You know how artists can be. Do you have personal contact with Miss Wright? I mean, I've talked to her a few times. Yes, of course. She was a charming lady. I hope nothing serious happened to her. I've had tenants before just pack up and leave. I mean, it happens often. It's just, I guess her father is just a little more worried than... You didn't notice any difference in behavior in the last few months? I don't see all the tenants that often. It's just... I just administer the building mostly. When things go bad, they call me, and I make some calls, get things fixed, and that's pretty much it. Well, thank you, Miss Lachance. Yeah, of course. I'll call you back if there's anything else. Dès que je la vois partir, je me lève, je remets le journal, puis je passe la rue. Parfait. Fait que vous avez une clé pour la porte? Vous avez une clé pour la porte du building, puis pour l'appartement aussi. Donc deux clés. T'intéresses pas trop eager, on dirait. Quoi? Ben, comme tu disais, c'est suspicious behavior un petit peu. Anyway, let's go look around. Fait que bref, on arrive. So what did she have to say? Not much. Pretty much all that was in the reports. But she seemed a bit too eager to me. She wanted to get away as fast as possible, you know? Yeah. I'll look into it. Just sneaker dans sa maison en pleine nuit, la regarder dormir. Là. Mettre des bugs partout dans sa maison. Was she pretty? She was okay. She was okay. À quel âge? She's probably late 30s, early 40s, probably. Not that yet. She was okay. Businesswoman. Yes, indeed. She means business. Vous allez dans l'appartement? Yep. Yay! Finally! Okay. I don't want it anymore! Ok, fait que. La Chloé est up? Ben non. She's up! Non, genre, on a besoin de son aide pour. Ouais, mais je vais vous demander, les gars, de ne pas regarder pendant quelques instants. Pendant Max, il faudrait que tu te retournes. Ou genre, regarde par terre. Bon, ben, bienvenue dans une représentation. Weekend? Ouais. Holy goddamn fucking shit! C'est une petite partie de ce qu'il y a sur les murs dans l'appartement. Smooth is a hand. Which. Makes the world stay. Is no the world smooth is the hand which makes the world, steady is the mind which grasps it. That's disturbing. Yeah, indeed. Ah, c'est ça tous les documents en langue différente. Ouais, entre autres là. C'est la fête en farsi. Ouais, moi aussi. Il y a aucun meuble dans l'appartement. L'appartement est éclairé par comme des single light bulbs. Chinese. Japonais, c'est bon. Pas nécessairement. Ouais, hein? Y a-tu d'autres délans de poche, là, demain? Ah ouais, j'en ai marre. J'ai mon sas. Ouais, c'est ça, on va utiliser nos apps. Yeah, I have an app. Ah, ben, en plus, il fait noir dans le panneau. Nice! Nice! C'est fou. Chinese takeout. Hein, Chinese takeout? Ah! C'est bon. Ah, ok, that's disturbing. Je l'avais pas vu. Very disturbing. Indeed. This is me. I'm here. I'm shifting the words that you're reading, altering them from whatever this person wrote. I've been here for a while, for as long as you can remember anyway. Sometimes I see your name as you're falling asleep, or whisper urgently in your ear. You remember the time that I screamed, throwing panic through it. Ça, c'est écrit à la main ou... C'est tapé sur une machine à écrire. Tapé sur une machine à écrire. Il y a une lettre déchirée en deux. You pulled it. Le début est assez difficile à lire. You lay back down facing, shut your eyes and try to sleep, but you can't. You still feel the eye watching you. You pull the covers over your head and the feeling fades. You relax and close your eyes, but as soon as they shut, the feeling returns. You're scared to move the covers to search for the eyes that you know are watching you. You're terrified, but you yank the covers down, and as you do, your heart skips a beat. You scan the room, seeing absolutely nothing yet again. The feeling disappears, and you scold yourself for acting like such a child. You roll over toward the wall, and quickly fall into a peaceful sleep. But let me ask you this. Do you know how many hiding places there are in your room? I do. Thousands. That's very messed up. A voluntary sacrifice. Avec des corrections. Voluntary for the most part. First one is voluntary. Mais dites-vous que ce que vous avez devant vous, là, c'est comme ça, mais repeated like 20 times dans un appartement. C'est partout, là. Mais c'est juste qu'on n'avait pas le budget ou la patience de faire le mur au complet. C'est déjà malade, quoi, il fait ça. Oh, il y avait un star chart. J'avais vu une map, là, en plus, caché en dessous des. Dans mon petit calepin, je prends. Je fais un coup de aucun problème. Constructive. Currently, the players are looking at a giant prop we made. We are fucking with their minds. You evil bastards! Mindfulness? What the hell is that? Who taught me that? There's supposed to be a clue in here somewhere? Maybe. That seems to like not use. Maybe yes, maybe no. Maybe you go fuck yourself. Yeah, right. We know. C'est toujours pas si cool que Delta. Que ASL voulait qu'on recoule la fameuse. Symbole qu'il reconnaissait pas. Ouais, c'est vrai, hein. Ah. La voiture qui part en particulier, non, il fait pas genre comme le number. Là. Non! Il y a plein de symboles. Je pense que c'est un incube là. Mr. Castaing. The fuck? Castaing, c'était un des noms qui était sur le. On est genre en place où il y a Man with the briefcase and white shoes, genre. Fait que je sais que il y en a pas tant que ça, mais je vais demander quand même un sound roll à tout le monde parce qu'il faut considérer que c'est ça, mais à 100 times over. Mm. Je l'ai fait. Collé partout. Au moins, il n'y en a pas par terre. Combien qu'on voit? Oh, c'est juste un si tu ne l'as pas. Il y a juste Johnson qui ne l'a pas eu, évidemment. Poor Johnson. Hardcore therapy, man. Guys, I think we should stop looking at the walls because I got this feeling someone's watching us. It's creeping up my fucking neck. Okay, so let's search the place. On cherche la place. Alright, parfait. Vous trouvez plus de collage, plus de crap. Nothing as disturbing as There's no one in the apartment. There's no furniture. There's no... Je check au spot où il est supposé d'avoir une porte cachée. Yeah, il avait parlé d'un piece of paper qui avait un symbole dessus, hein, mm-hmm. C'est ça? Il y a certaines places qu'il y a clairement des objets qui ont été enlevés. Il y a des... vous savez, d'après le report... Les reports que vous avez, vous savez qu'il y a certains objets qui avaient des serial numbers qu'ils ont enlevés pour runner les serial numbers pour essayer de chercher n'importe quel lien. Là. Il y avait des cassettes audio qui avaient été collées, qui ont été écoutées. La plupart, c'est juste de la musique. Il y a certaines places que oui, il y a clairement soit des photos ou de quoi qui a été décollé et qui a été enlevé. You know, maybe it was among that. You don't know. Puis, et ça, on nous a pas dit s'il avait pu récupérer ce symbole-là. Ils l'ont récupéré? Ouais. Ben là, c'est pas assez faire above our heads, genre. Yep, you're not, you're mother need to know. Fuckers. And you don't need I to know. I hate freaking need to know, man. It's always... Night tunnel biases. The best biases. Way. Fait que, dans le fond, c'est... Laurent, toi, tu voulais aller voir pour le... C'est qui avait dit ça qui voulait aller voir pour la porte de plus, là? Il y en a une dans la pièce, oui. Moi, je voulais y aller. There's... You don't find any door. Of course. What time is it? Ben, elle a l'air d'être de l'autre côté, la door, hein. Plus, comme de l'extérieur, on dirait. J'imagine. What time is it? What, in-game? Yeah. It's probably around 6, 7 o'clock. Comme le soleil commence à se coucher tranquillement, là. Let's get out of here. I don't want to be here at night. I'm scared. Ben, c'est disturbing, la place, on peut pas dire le contraire, là. Let's get out of here. I get it, but you should get a pair, you know. Est-ce que Acel avait investigué le nom de car number que j'avais... Elle a investigué quoi? Le car number qui avait été utilisé au Maryland. Là. Ben, je veux dire, ils ont... Eux autres, non, mais je veux dire, ils ont pas... Quand le FBI, ils ont checké, la carte de crédit n'a pas été réutilisée ailleurs que là, à part cette fois-là. C'était comme un one-time deal. Mm-hmm. Et on sait-tu si c'était vraiment elle, Abigail, qui avait pris la carte à l'origine? Non. On n'a aucune idée. Non. Si je te rappelle bien, le gars, il a dit que t'avais... Il était même pas sûr si c'était elle qui avait fait de la transaction. Tu me spray. You seem pretty vacant behind the... Between the years. Je vais demander des... Bridge. I guess... Quand vous, moi, je prends pour acquis que vous fouillez la page. Oh, ouais, c'est bon. OK. You do find two things that seem to stand out. One of them is a yellowed receipt made out to Abigail Laura Wright. Mais la signature est difficile à lire, là. C'est un peu smudge. Le papier a l'air super vieux. Comme ça a l'air d'être vraiment un really old receipt. It was made in July 1998. July 1998. It's a receipt for a single month of rent à $850 pour un appartement F10. C'est un handmade receipt. C'est un receipt genre, qui a été écrit à la main sur du papier. C'est un propriétaire. Il n'y a pas de jour précis en juillet? Nope, it's just July 1998. Puis ici, ça s'arrête à quoi? 4? Hmm? Dans ce building-ci, ça s'arrête à 4. Il y a 4 appartements par étage. Il n'y a pas de F. C'est 1, 2, 3, 4 A, 1, 2, 3, 4 B, 1, 2, 3, 4 C. C'est ça, il n'y a pas de F. Il n'y a pas de F. C'est un nom d'appartement, ça veut dire? Il n'y a pas d'adresse à le receipt, il n'y a rien d'écrit officiel en haut. Non. Il y a juste la signature de c'est genre de... Tu sais, les pads de receipt que tu pourrais acheter, genre, dans une papier. Non, ma mère en avait. La signature, la première lettre, ça ressemble-tu à un C? Non. Okay. C'est quelque chose. But yeah, the paper looks really, really old. The paper looks old, but yeah. It's 1998. Mm-hmm. And the other thing you find is... Like it was artificially aged. Who would do that? Artificially, je vais vous la lire, puis après ça, je vais vous la donner. I think we don't. Je vais demander un des six à chacun pour voir. Ça va être qui? Un! Quatre. Bullet punch strike. Ok, fait que Johnson dans la salle de bain trouve. Moi, c'est normal, je serais pas rentré dans la salle de bain. Lui, d'ailleurs, non plus. La raison pourquoi ça l'a. Tu sais, tu rentres comme vraiment lentement, pas sûr, comme il y a un miroir. Mais là, il n'y a pas de miroir parce qu'il y a du stock collé par-dessus. Yeah. Par contre, lucky us! La salle de bain au complet, les murs, le plafond, l'intérieur du lavabo, partout sur le bol de toilette, c'est tout le temps une répétition sur une page, comme ça. Des fois, elle déchirée, collée, mais c'est tout le temps la même page, over and over again. On dirait un extrait soit d'un script ou d'une pièce de théâtre ou quelque chose. Mm-hmm. Je vais vous la lire et vous la donner après. So, scene, the smoking lounge. A large parlor on the fourth floor. In the rooms are the dog, Thomas, and Michelle. Enter Mark Rourke. Mark, Abigail is gone. She moved upstairs today. Thomas, and Mark, I miss the kid, Michelle. Her dad, that pig, came around. She doesn't like you, Mark. No one likes you. Anyway, she ran off with that salesman. Everyone knows it. Mark, fuck you, you cunt. Thomas, come on, guys, come on. The dog barks. Excusez. Someone is heard coming up the steps. A loud racket reverberating up and down the staircase. Mark, who is this? Everyone stops to listen. Michelle, who could be down there? Who is that? Mark. Mark steps to the doorway and leans to look down the stairs. Mark. Hello? Hello? Enter FBI agents. The parlor? What? The parlor? Give this to me. Lodge from the fourth floor. There's no fourth floor. Yeah, there's no fourth floor. There's a parlor right there, though? Yeah. There's a parlor right there, and there's a kind of door that kind of opens. Okay, enter the IHS. That's fine. Characters in the play. Got a Thomas. On it's you and hey, Michelle and Mark. I'm not there. I'm no FBI agent. On it's you and Mark, you're Thomas, Pierre, Michelle. On est Thomas. Thomas, c'est le père d'Abigail. Thomas, c'est ça? Ben non. Ouais, mais il y a aussi un Thomas Manuel. Manuel? Thomas Manuel. Qui avait l'air creepy parce qu'il avait quasiment rien de son appel. Il parle d'un father. Her father came by. Her father came by. So that pig. Thomas, le father. Her dad, that pig came around. She doesn't like you, Mark. No one likes you. Anyway, she ran up with that salesman. Everyone knows it. Mark. Il parle de qui quand il parle de Mark, Non, il n'y a pas de Mark. Pas de Mark, il n'y a pas de Michelle non plus. In the building, there is a Michelle Van Fitz. I miss the kid. Who's Mark? Her dad. Maybe that a realtor around. Or someone? She doesn't like c'est you. C'est qui vous avez parlé, no one likes you. Anyway, Thomas Manuel. La fille, c'était Cynthia Lachance. Who the f. Well, il parle d'Abigail quand il dit she. She ran off with that salesman. What fucking salesman? But she moved up. She moved upstairs to the F. So, yeah, obviously the F, sixth floor. Door to 712, bro. 712? No, sixth floor. Ah, ben, on va jusqu'au septième, puis on descend. Il n'y a pas de septième. Il y a trois étages dans le building, Bob. Ça arrête à C. Since one of the houses been only houses. Since when is a house only a house? Je regarde ma marine watch, il est quelle heure? Il est 6h32. Merci. Puis l'aiguille des secondes, elle fonctionne. Nice. Merci. J'aime la précision. Je suis assez nerveux pour avoir checké, merci. I feel under-equipped for this. Mais par contre, j'ai recherché. Mon shotgun, il est un peu concealable à cause de moi. Oh, ouais. You can have your shotgun if it makes you feel better. It'll do. Mm. Fait que je vais changer mon gun, mon shotgun, puis deux flashbangs. Fait lui, c'est vraiment genre comme, il rentre, il voit les photos, il va dans la salle de bain, puis il fait juste comme, I'm gonna go get my gun. Fuck yeah, man. We need a bigger gun. Fait une coupe de slot, puis je me paye 1 kg de C4. C'est bon. Ah ouais, shit. Alright. Just in case. Ah, puis j'ai mon knife, bien sûr. Ah, puis mon stick. So... I feel a little safer... I don't feel safe, though. Feel safer? Done. Yeah, safety. Safer. Safety is an illusion. Yeah, I know. I will tear down that illusion. Nice. Can't wait. Johnson va mettre le gilet pare-balles, puis il va juste retrousser ses manches avec sa chemise blanche, puis sa... puis sa cravate. Parfait. My God. Ça vous prend tellement plus grand-chose, mais... Ben... Avant, c'était comme... I think there's a crack lab in here. Ah, let's just go in, tu sais. Mais maintenant, c'est vraiment rendu comme, pictures. There's a play and we're in it! Parfait. Ben, we were innocent back then. Alright, fait que c'est ça. Vous trouvez ces deux choses-là dans l'appartement. Du moins, c'est les deux choses qui jump out le plus pour l'instant. Et. Y avait-il d'autres choses que vous vouliez checker, que vous vouliez chercher? Ou... Non. Ben, c'est quoi d'autre qu'on avait à faire? C'est quoi notre checklist, là? Checklist. We got a checklist. What's your mission? All right, mission instructions. You are to examine Abigail's disappearance with a particular attention towards connections to the occult and the supernatural. Well, there is this. Puis moi, dans le fond, this is que j'ai pas pensé some à kind faire. Of big fucking connection. Puis ce que j'ai pas pensé à faire, moi, c'est faire un jet d'occultisme sur les dessins. Yeah, sure. Go ahead. Même si j'ai 10%. Ou un jet d'unnatural. Or unnatural. Okay, I'll do that too. Moi, je fais occultisme. Moi, je fais un natural, je n'ai plus. Attends, occultisme, on peut... On... Critical! Parfait. Il y a plusieurs dessins, il y a plusieurs images qui te rappellent des choses que toi, tu as vues dans certains livres. Soit des affaires par rapport à des anciens rituels, genre de comme de witchcraft ou pagan. Il y a beaucoup d'iconographie qui... fait allusion à certaines pièces de théâtre qui ont été écrites dans les années 1800. Des pièces de théâtre qui étaient souvent, qui étaient comme, mettons, attribuées genre comme au mouvement occulte et surnaturel français. Tu sais, comme dans le temps que ces affaires étaient un genre de pick-up, là, que le monde faisait comme une espèce de club, là, puis qui se rencontrait, puis faisait des séances, là, des affaires de même. Fait que oui, il y a définitivement une thématique occulte qui revient beaucoup. Il y a... Tu l'as crit? Je l'ai crit. Tu l'as crit? Le 10, puis je l'ai crit. Il a 0. OK. Tu crit pas mieux que ça. Là. Non, en effet. La peinture avec la main jaune. Yeah. La peinture avec la main jaune, ça dit clairement quelque chose. Tu as déjà lu ça quelque part. Définitivement, c'était dans un livre. C'était probablement dans une affaire de pièce de théâtre. Une traduction d'une pièce de théâtre française. Le titre exactement, là, faudrait comme que tu check un peu, là, mais... Check donc si ça fit avec ça, là. Hein? Juste pour dire. Donne-moi, si tu réussis un Intelligence Times 5, je vais te donner le nom de l'auteur. Intelligence Times 5? Ouais. Parcoursup, c'est quoi ce livre? Tu l'as? Tu te rappelles pas du titre, mais l'auteur s'appelait Thomas de Castaing. Oh! Casting, hein? Guys. Il a crit son jet d'occulte. J'ai crit mon jet d'occulte. L'occulte en plus? J'ai 10% d'occulte. Puis la picture avec la main jaune, ça vient d'une pièce écrite par monsieur Thomas de Casting. Puis il y a monsieur Casting. Un playwright français du 19e siècle. Ouais, Casting. Il y a un monsieur Casting écrit sur la map, écrit sur le mur. Ouais, mais en même temps, on sait pas c'est quel étage. On sait pas c'est quel étage, ça c'est vrai, parce que tous les étages sont pareils. J'ai pensé à ça. Door on 712. What does fucking 712 mean? Je vais vous laisser up with a plan or what you're going to do next. Door des appartements 7 à 12. 4 étages de 4 appartements. 3 étages de 4 appartements. 7 à 12, c'est le dernier étage. Non, ça marche pas. Ça serait 9 à 12. 9 à 12? Ouais, c'est 9 à 12. C'est 5. 9 à 12. Ça marche pas. On va faire du F10, non? Mais F10, ça, c'est le 6e étage. Parce que les appartements, vont, les étages vont par lettres. A, B, C, D, E, F. As-tu déjà demandé qu'il y avait du... Il y avait plus d'étages dans cet appartement-là, ou... On pourrait toujours checker dans les records. Moi, je pense que ça vaudrait la peine de sortir. Sérieux, c'est creepy, puis ça va être la nuit bientôt. Je suis avec toi, c'est sûr. I'm not easy. I feel as if there's a lot of... PTSD is coming up. Yeah. Oh, je vais en prendre une petite pote, ça me dérange. Je vais passer nos bières. Yep. Hein? Je vais passer nos bières, Sierra. Jessica. Jessica, est-ce que tu as pris une bière? On a une Michel, on a une Thomas. On n'a pas de chien. Ok. Vois-tu, moi, c'est ça le moment que j'adore le plus dans les games. Le moment où est-ce que tout le monde est juste comme. Holy shit, what the fuck? Parce que tout le monde est aussi confus en tant que joueur que confus en tant que les characters. Non, merci. Je cherche mon papier, pardon. C'est le bon moment. Tu dois attendre le bon show. Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu un bouton? Je sais pas où j'ai mis. Je pense que j'ai mis là. Fait que ça, il y avait ça. Un peu partout dans celle de bain. Ouais. C'est écrit à la machine à écrire. Comme ça. Old typewriter. Oh, ouais. À la dactylo. Mark Rourke. Comme son nom complet. Ah, on pourrait contacter Livingston. Maintenant qu'on a été dedans. Livingston a-tu participé au Forensic Search? C'est une friendly. faudrait savoir. On pourrait contacter voir si elle a, participé. Elle a pas participé. On sait qu'elle a participé. Non, elle a pas participé. On a un nom, aussi, Mark Rourke. Enter Mark Rourke. Ah, ok. Rourke. Non, mais il est au quatrième étage, lui. Puis il y a pas de Rourke dans la liste des. Non, il y a pas de Rourke dans la liste. Il est pas là. Si tu es dans Fringe, quand il y avait une autre dimension, puis il y avait un truc qui avait plus d'étages. Dans le McAllister Building. J'ai très peur. The other side. There is a Thomas Manuel, A1. A2 is Abigail Wright. A4 is Roger Caroon. B1 is Louis Post. B2 is Michelle Van Fitz. Oh, we have a Michelle. And C1 is Gord Whitey. Gord Whitey. Il n'y a pas d'autres places. Les autres sont toutes soit vides ou sont vacant depuis quelques. Ils sont soit qu'il n'y a personne dedans ou que le monde sont partis. Ça a l'air que puis personne qui paye son loyer aussi. Yep. Depuis plusieurs mois. Alors qu'on va trouver un receipt pour Laura. Il y a eu beaucoup d'élections dernièrement. Fait qu'il y a une coupe de. Mais il y a un receipt pour Laura. Et pour qui date du mois dernier. Qui est visiblement un autre appartement de. Où est-ce que ce serait, là, ce qu'on a en ce moment. T'as qui cette bière-là qui traîne depuis tantôt? Ah, ça va être la mienne. J'ai pas refill mon. Elle me tente depuis tout à l'heure. C'est du Garden Cocktail puis une bière. Genre du jus de tomate. Je faisais ça tant de temps que j'étais étudiant à l'université puis que je buvais tout le temps puis j'étais tout le temps hungover. Les beer puis jus de tomate, là, ça te. Le lendemain de veille, ça fait du bien. On dirait qu'elle a commencé un play genre pour une affaire obscure puis. Actually, it looks like it's continuing the play. Because the characters seem to know each other already. On peut-tu envoyer Mark Rourke comme nom auprès du ASL pour qu'il fasse une investigation là-dessus? Au ASL, yeah, sure. Mark Rourke. Ça prend tout le temps au moins 24 heures là, avant qu'il revienne avec des réponses. Mais... Moi, je propose qu'on sorte pour la nuit, qu'on réfléchisse à ça. On pourrait contacter Sandra Livingston, voir... non, c'est ça. Is Charles Finley afraid of the dark? Sometimes. Is he pissing in his pants right now? He's afraid of houses at night. Yeah, pretty much. Scary houses at night. Creepy things on the wall. Yeah. We get that. The creepy things on the wall don't help. Je pense que c'est quoi avoir la phobie des maisons. Je pense que c'est quoi le film. Home phobia? Pretty much. Ça sonne trop comme homophobia. Domus phobia. Mm-hmm. Non, ça c'est lapin avec grec, fait que ça marche pas. Faudrait que je me rappelle c'est quoi le mot grec. Maison. And I fucking don't remember. So, gentlemen, plan. Plan. Comme le soleil continue à se coucher, puis plus le soleil se couche, plus fait de l'issue. Ouais. Parce qu'il fait chaud en plus. Ouais, il fait chaud bizarre. Freaking wuss you, come on. I'm not gonna be disturbed anyhow. Ok, je vais juste le caler tout de suite, là, que comme. Si cette game-là c'était écrit comme. Vraiment de la littérature. Si c'était un film, en ce moment, la personne qui est sûre de mourir avant la fin, c'est probablement Devereaux. Parce qu'il est comme, nah, it's gonna be fine. Nah, ok. J'avoue tellement. Deuxième, ça va être moi, puis c'est lui qui va survivre. Because he's a survivor. Mais je vais avoir mangé genre 4 balles. À minimum damage, parce que je vais avoir été chanceux. Or more. So, yeah, you said you want information about. What's your name? C'est quoi, Mark Rourke. Mark Rourke. Ok. Investigate chacun des noms qui est sur la play. La credit card receipt, y a rien donné d'autre de plus qu'on pourrait voir, je présume. Bah, peut-être que vous autres pourraient faire une investigation plus en profondeur que le FBI a fait. Mais... Vous avez quand même accès genre au réseau du FBI. Vous pouvez runner des noms ou whatever. On n'est pas en official investigation. Ouais, je sais, mais. Girl never left. She's still here. She's always been here, but she's gonna get out. She's from the other side. She's not from, but she's on the other side, if other side there is. Of course there's one. Other side there is, bro. Yeah, of course. I've seen it. I didn't really see it. I was just... You kidding. Went through the mirror. Yeah, figures. I remember. I pulled you out of the fucking mirror. I pulled myself out. Yeah, it was so traumatic for all of us. Let's move on. Yeah. Je suis toute la sueur qu'il y a dans mon front soudainement. Je fais la même chose avec celle qui était déjà là. Come on, guys! Challenge, c'est vraiment comme nervous, scared, denial. Just uncaring for now. I don't see any threat. Ben, on pourrait peut-être aller voir Michelle. Michelle Van Fitz. She's there. That's a good call. Alright. Let's go upstairs. Ouais, c'est quel étage? Je pense qu'elle est au troisième. Deuxième, il y a juste un gars. Ouais. Deuxième. Ouais. Alright, you go knock on Michelle Van Fitz's door. Au deuxième, j'essaie de checker à la place où il est supposé avoir des murs cachés, des portes cachées dans le couloir. Give me an alertness check, I guess. Je l'ai pas pendant tout. Enlève-toi 3 de willpower. 3 de willpower. Comme je constate que tu you look for a long time and you try everything. À un point où ça m'a amené décourageant. You pull and push everything you can. Il y a des places que genre tu sors un petit pocket knife ou genre whatever, puis comme t'arraches du wallpaper, puis tu check derrière, puis comme s'il y a un tenant qui passe pendant que tu fais ça, il va trouver ça fucking weird là. He's gonna call the cops. But no, you don't find anything. Nerveux comme un lapin, man. C'est qui a décidé qu'il mettait des bulletproof vests là? Ouais. Moi j'en ai pas, c'est sûr que non. Non, pas le matin. Ah, enlève-toi un autre. Sorry. Que je croyais. You're getting sweaty. Là. Comme il fait extrêmement chaud. Avec moi? Ben. T'es pas un FBI agent? Non, je sais. Ben, dans le fond, tu. Not to rub it in. Non. Sa chambre à elle, c'est-tu. C'est laquelle? Son appart, c'est lequel? À l'étage supérieur, Michelle. Michelle? Her apartment is B2. B2. So, this is one. Yep. Ok. Moi, je me mets ici dans la cage d'escalier, puis j'écoute pendant qu'il est chaque côté en dehors de vue. Ok. Fait que tu tu remarques qu'il y a un petit peephole, puis là, d'un coup, il y a comme. T'attends un peu, puis là, il y a soudainement plus de lumière qui passe par le peephole. Il y a probablement quelqu'un qui regarde à travers. C'est quoi son nom déjà? Michelle Van Fitz. Van Fitz. Van Fitz. Don't forget to ask her about the fucking Mark Rourke. Il y a une voix de femme qui vient derrière la porte qui fait « Yeah, what do you want? » Je sors mon badge, là, je le mets devant le people. FBI agent Devereaux here, regarding the investigation on the disappearance of Miss Wright. I would like to ask you a few questions, if you please. And what if I don't, please? This is an official federal investigation, ma'am. You wouldn't like to... You have a warrant? Not right now, but I could get one if you want. Yeah, because I've already answered a lot of questions. I have nothing to say, so you can just be on your way, all right? I know my rights. This is harassment. You sure you want to get in the way of a federal investigation, Ms. Van Fitz? You know what? I wasn't put on this earth to serve the man, okay? So you do what you have to do, and you go to your establishment and get your paper, and then maybe we'll talk. Is there some reason we don't want to talk about... I have work to do, okay? So you be on your way. You have a nice day. I'm not going away, Ms. Van Fitz. Ms. Van Fitz! Il y a de la musique qui part dans son appartement. I'll be back, Ms. Van Fitz! You're welcome. Massachusetts? Ouais. Ça existe pas pour d'arrêt. Ouais, c'est juste. Je ne sais pas ce que c'est. Arkham, Massachusetts. Fait qu'en gros, c'est ça que vous avez. Fait que New Day has started. Tu peux. Le willpower que tu avais perdu, tu peux te remettre au début. Là. Je veux dire que tout le monde a dormi, tout le monde s'est reposé comme une foule. Oui. Ok. Dormi au temps. Good sleep, good night sleep for a good day. Tu rêvais que tu étais dans une mirror house. Non, c'est un beau rêve parce que je les shoot à tout. Puis il se régénère tout après. Non! The Unbreak. Ok. Donc, des D6? Ah oh, ouais, des D6, come on. Des D6 de. 4. 6. 1. Ok, entre 2. 2. 1. Alright, Finley, my good man. Oh, it was a pleasure. Ok, You sit at the bow of a boat. It's a bright little vessel of polished wood with a white sail, and it moves gently across the lake in front of a breeze. You look down into the water past where your trailing hand disturbs the surface. Its spirit thick and gray. Is that movement? You pull up your hand and a modded-shaped balloon passes you not far below, then another. Huge marine creatures. Up ahead, the water slaps. The white and yellow back of one of those things clears the surface for a moment, then dives. You see it still. It's coming right at you, bigger and bigger. And it rears out of the water fully now, looming above the boat like a cliff. You won't wait for this. You stand and you step off into the water, falling, eyes closed. The water becomes a mist. It's clear and it clears, and a landscape stretches out around you. Stone and heathland, and then a walled cemetery. Stepping through the gates, the mossy graves fan all around you. You walk on and on. Okay, you walk on and on. Plain markers are everywhere, tens of thousands. There are no crosses or angels or other superstitions. Finally, you come to a corner that you seem to know. You read some of the names here, and they're all familiar to you. It's your family and your friends, everyone living, and everyone is dead here. And the dates on the graves are all within a few years of today. Your own grave is cracked. It's a plain tablet without even your name, but you know it well. You feel a half-memory of how it was before you were in that boat, before something came, before the king came. I did say I had bad dreams, right? Eske, would you like to have a drink of alcohol? Gladly. Your dream drink? I mean, in-game. I mean, in-game. I have more than one drink, actually. Combien? Cristaux essentiellement. Quoi? Ok. Si tu veux te rendre à. Plus small drinks. Ah, plus small drinks? Okay. Bah, tu sais, je veux pas que j'aille du whisky. Puis... Non, mais dans ce cas-là, je vais te donner. Fait que t'as un. Pour tous tes jets de sanité pour cette journée-là, t'as un plus 20% comme gratos, mais t'as moins 20% à toutes tes actions. Because you're drunk. Not drunk? He's drunk? Well, or it could be 10-10. You want to just go 10-10? 10-10 is good. 10-10? 10-10 is good. 10-10. It's morning. Safe, shiny morning. C'est ça qu'il write down, j'imagine, en description pour notre décrit. Ben, c'est ça qui se rappelle. S'il veut vous en parler, c'est aller vous en parler, non? I don't want to share. I don't want to share. Fait qu'est-ce que vous voulez faire? I'll have a ride at the Library of Congress. You can get that book. Ouais. Tu peux pas. T'as pas cherché sur internet pour le trouver? Yeah, oui, il y a personne. T'avais fait ton premier check? T'as pas fait une autre recherche par après? Faire that check. Tu pourrais pas le faire transférer à une bibliothèque? On va sûrement essayer de faire ça. J'essaie de le faire transférer de l'existex ici. Avec mon computer use. Donne-moi. En fait, le computer use, ça marchera pas. Ça va soit être du. Ça peut être du persuade, ça peut être du law, ça peut être. Ça doit être bureaucracy. Si tu veux aller par persuade. Ça doit être dans une restricted collection, j'imagine. Encore bon. Je l'ai pas tout. Moi, j'ai du bureaucracy, je peux essayer. Ouais, vas-y. Mon plus le nez. À 40%. C'est quoi ça? Là, parfait. Ouais, ben tu réussis à fabriquer une excuse bidon pour y avoir accès. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils t'offrent genre soit qu'ils t'envoient une copie, genre comme des photocopies du livre, là, ou qu'ils peuvent te le mettre de côté puis tu peux aller le consulter sur place. Non, mais dis-moi ça. Photocopie? Photocopie, parfait. Ou ils vont te les faxer pendant la journée. Il y a plein de place, moi, ils vont te les faxer, genre, je sais pas, là, à un centre de copie quelconque. Bon, je leur donne le numéro du centre de copie au coin. Ben, éventuellement, vous allez avoir accès à ça. What else do you want to do? Breakfast? On a pas beaucoup de livres, là. You can go talk to some of the tenants. You can rummage around the apartment again. You can explore the building. You can run away and scream like little girls. We can hide. You can hide. In a hole in the ground. Yeah, you can dig a hole. Die. You can dig a hole and hide. I can just find a hole. Right. I don't want to dig. Les law enforcement qui avaient fait les investigations au début, il n'y aurait pas des choses intéressantes à dire. Non, pas vraiment. À date, mettons par exemple, ce que Thomas Manuel a dit, c'est exactement la même chose qu'il avait dit au NYPD. Call back the lady and tell her we need the keys to the vacant apartments. We'll search those as well. Is there a specific reason why that I should kill her? Maybe she will ask for to give the keys to her apartment. There must be a reason why all the tenants didn't pay every month. Just so we can last month's rent. Yeah, tell her we can speak to the tenants. See if she, we can see if we can. Maybe we could get access to the apartments of the other tenants. Yeah, but I just asked you for the keys. Mm-hmm. How does that make sense? If she was in a hurry to get away from you, she'll be in a hurry now too. Well, she was in a hurry. She had some evictions to do. So maybe she'll want collaboration with the FBI. Maybe we could help. Maybe we can push some buttons. Maybe we can freak out the... Yeah, she needs to kick people out. Yeah. Reason to get in. You can always try if you want. Do it. Come on, do it. Do it. Come on, do it. Just do it. For all the keys, all the tenants... Why not? She's evicting everyone, right? Yeah, at least the vacant apartment. She's evicting everyone. Okay, vas-y. Y'a-tu beaucoup de vacant apartments? C'était quoi la question, Max? Y'a combien de vacant apartments dans le building en ce moment? 5. On l'a checké si c'est barré, vraiment. 7 vacants sur 12. 7 sur 12, il me semble. 8? 7 sur 12. Regardez. De quoi? Il y avait un encore 7 sur 12? Ouais. Door on 7 sur 12. 7 sur 12, c'est les vacants. You sure about that? Y a-tu un des vacants qui est le 1? Le sur un étage? Ouais. C1. C1? C1 is not vacant, sorry. No, actually, they're all occupied. So this is not one of the floors we know. This is all very confusing, yeah. Fait que vous retournez au... Say. Oui. OK, fait que vous retournez au building, j'imagine? Pretty much. Do we? What the fuck are we gonna do there? Are you gonna call the chance? Just read the keys of the vacant apartments? Convince her that we wanna help her. And investigate. Help her. Everyone can gain here. Because of reason. Everyone can gain something here. Everyone can gain something. We help her by pushing some buttons, like I said. Maybe putting some pressure on the tent. Why don't you call her, goddammit? You got the contact. I'm the PI, remember? Karen. You're the FBI agent, call and explain to her why you want to have all the freaking keys to her apartment for no reasons at all. That'll be easy. You already advanced the point of the FBI investigation for this case. So it would make sense. Why do we need that? Why do we need that? Because you may have found some evidence that suggests that some of the tenants might be in leagues with blah blah blah. You know, man, basic improv, bitch. Wow. You want to explore different possibilities, considering that she may be hiding in another room, apartment of the building? I guess nowhere. Hey! Mm-hmm. Bon, mais je vais la Just dire. Bullshit her with something. Just bullshit her with something. Alright, so you go. Alright. Arclife, this is Cynthia LaChance. How can I help you? Hi, Mr. Chance. It's still me, Agent Devereaux from the FBI. Well, good morning to you, Agent Devereaux. Oh, thank you very much. I had some follow-up to do on the case itself. Okay. I would like to investigate maybe the vacant apartments on the building. Would it be Yeah, of course. It shouldn't be a problem. I don't need the copies of all the keys itself, but if you could just... Yeah, no, of course. What I'll do is I'll get you the skeleton key for the building. Oh, that would help very much. Thank you. Would you be available soon, or would we have to go to your place? I'll have a double made, and I'll send it by courier to the... what, can I send it to the building? You can just pick it up there? Yeah, of course. All right. We'll continue our investigation there, so we're going to be there for... I'm just glad I can help. If there's ever anything else I can do, don't hesitate. Thank you very much, Mr. Chance. Where are you right now? And you didn't have to grease her paw. No, was very, that so tough? She's very eager to help, it would seem. Where is she now? Did she leave? Maybe there's something got wrong with the building and she doesn't want the FBI getting involved. Or maybe she just wants to help genuinely. Yeah, sure. Maybe she just wants to help, I don't know. She wants to arrêter ou investigate or whatever. There might be a reason for that. Okay, so it takes about maybe an hour or so, and you get your hand on the skeleton key, which basically opens every single door in the building. So we're the supers now. We're the super agents. Super agents? What do you guys want to do? On va aller voir rapidement les vacant departments, et j'imagine qu'ils sont vacants. Ouais, ben faites le tour. Les appartements sont bel et bien vacant. Ils ont été vidés, nettoyés, repeints, toute la quête, là, pour des... Il n'y a aucune trace de re-entry. Il n'y a pas... Non, les portes n'ont pas l'air d'avoir été forcées. Il fait fucking chaud dans chacun des appartements parce que les fenêtres n'ont clairement pas été ouvertes depuis longtemps. Puis ça sent un peu stuffy. Puis, un D6 à tout le monde. Tout le monde check les vacances. Oh, 6. 5. 3. Je l'ai pas eu encore, mon gars, là, c'est ça. Ça va être chanceux, là. Ok. Scene. The smoking lounge. Bebe, Joan, and Thomas are seated. Enter Mark Rourke. I'm sorry for the language, by the way. C'est pas dans la pièce. Mark, that nigger took my best pen with him. Thomas, you probably shouldn't have called him nigger all the time. Mark, you didn't have to take my pen. Joan, anyway... Mr. Castaing said that the super is planning something for those agents. Bebe. Oh! Joan nods enthusiastically. He'd like to see them move in, but he's not sure. The tall one in particular bothers him. Mr. Castaing didn't say why. Bebe. I know he bothers me, but I mean in a good way. They all laugh. Bebe, pouting. Okay, so I have needs. Thomas. Yeah, like a black widow spider has needs. Joan, interrupting. Anyway, Mr. Castaing said that we need to keep them away from Six, at least for the time being. Mark, you think he'd want them on Six? Joan, he does. I mean, eventually. Not right now. He seemed, I don't know, worried. Laughs. I'm reading too much into it. Mr. Castaing is never worried. Thomas, oh, what about the time the super came over to fix the furnace? He seemed plenty. Michel, c'est un écrivain, hein, c'est ça? Il n'y a pas de Michel ici. Non, ah, Michel, c'est un écrivain. Hein. Oh, je suis dans quel vacant? C2. Puis les autres sont dans quel? Hmm? Les autres sont dans quel à ce moment-là? Je demande que vous cherchez tout ensemble ou est-ce que vous split up? Ben, je pensais qu'on split up. On a juste une skeleton key. Okay. All right. Bon, on peut débarrer plusieurs appartements en même temps. Non, je vais en checker un à la fois, ils sont pas si bons. Tout le monde est au. Moi, je reste à l'entrée. Guys, I found something. I'm part of that damn play. Yeah. C'était quand quelle année, le King Yale? 1895. Yeah. Yeah, this is no. There were no pen. There were no pen in 1895. No, people wrote with. Ross, of course. With what? Le papier. Ross? Le papier, tu l'as vu? Non, c'est exactement la même chose que l'autre papier que vous avez trouvé. Ça, ça semble relativement récent. C'est sur un typewriter. Le même typewriter. Du moins, exactement la même, ça. Au même point que je pourrais voir les petites imperfections dans les lettres. Oui, définitivement. He'd like to see them move in, but he's not sure. The tall one in particular bothers him. Who's tallest? C'est qui le tallest? C'est lui le tallest. Ben, moi, c'est ça, j'avais combien? J'avais 12 de 16. T'avais combien de 16? J'avais genre 13, je pense. 14. Ben. T'avais combien de 16? J'avais genre 11. C'est toi le tallest. Le grand slack qui est rendu là. C'est quoi, tu fais 6 pieds. 6 pieds quelque chose, hein? 6 pieds quelque quoi. Je fais genre 5 et 10. Pick-up pis genre 200 livres. C'est genre vraiment mince pour un gars de 6 pieds. Damn. Yeah, you bother me too. Sure, lanky dude. I know he bothers you, but in a good way. So I think you got a shot with Bebe. Bebe, comment il écrit ça? Bebe. Bebe. Bebe. I don't think that's good, bro. Think? My Black Widow Spider. Isn't that the one who eats the mate? Don't they all in the bug world? Damn, keep them away from six, at least for the time being. You'd think you want them on six. He does, but should we go now? Is this part of what the super is planning for us? Who's the super? I don't know. La chance? They don't name him. They don't name him. She's not a super. La chance. Wait. There was a BB, right? BB Milhouse. Moi, je vais faire un check-up for BB. All right. She's moved away. Apparently, there's no contact number for her. Moved away. When? Why? 6 months ago. She just upped and left. Just upped and left, eh? Yeah. Of course. She was a sculptor. Of course she was. Attention, attention, il y a des cartons derrière là. Ça, c'est le matériel. Ok. On s'est chargé. Slightly low. Slightly low. Those ages. Ok. So, what now? Il y avait des pièces vacantes, il y avait-tu des pièces qui avaient l'air d'avoir les portes cachées? Non! Moi, je suis obsessé avec les portes cachées. Tu es obsessé avec les portes cachées? Ben non, t'en trouves pas. Puis tu cherches, là, comme un porc. Trois autres points. Ouais. Non, mais je te dirais non. Quatre half, à cause que je porte une veste. Half là. Half ton willpower. Half mon will. Oh, ouais, tu passes. Okay. Si tu fais ça, tu passes ta journée là, à checker là. Puis comme quand tu checks, c'est genre le papier peint, il passe, le tu grattes dans les murs, tu ouvres toutes les fenêtres, tu cognes à terre. Ok, je suis peut-être pas si dingue que ça finalement. Mais si la journée passe au complet. Non, ben, non, tu peux savoir s'il n'y a pas ou pas. Ah, fuck it, je l'ai fait. Okay. Ça vaut trop la peine. Ok, fait que Johnson. 13, fait que je dépense 6 ou 7. 6, round up 7. Fait que Johnson, il va passer la journée entière à chercher des secret doors, là. Cool. Darn there. Puis j'utilise mon track. Ouais, sure. Puis mon alertness. Ouais, sure. Fait que je fais déjà à 50. Je fais 1,50, 1,30. Ouais. Alright. Alertness 10, je l'ai. Ok. Puis track 37, je l'ai. Ok. Il y a clairement du monde qui sont déjà. Tu sais, il y a eu du vibrant dans les vacants. Dans les hallways, il y a du monde qui passe. Dans les vacants, oui, des fois, il y a encore comme des traces que des gens seraient passés. Tu mettons des traces de pieds ou whatever. Est-ce que c'est quand les appartements ont été rénovés ou est-ce que c'est plus récent? Ça, c'est tough à dire. Mais il y a du monde qui sont rentrés dans les vacants depuis que les appartements sont vacants. Ça, c'est sûr. Okay. Pour ton alertness, c'est squatters. Des gens du building. Qui sont venus effacer des traces. Investigators, probably. La fille pour clean up la place. Si la place est clean. Je pense pas que la chance à clean up ça elle-même. Non, peut-être dans ça aussi. Sourcing, je pense qu'elle va. Elle engage du monde à chaque fois. Peut-être qu'elle a pas de super, je pense que c'est plus cher un super. En arrachant une lame de bois dans un des vacants, il y a ça sur un. probablement un meilleur, comme un bout de papier, là. You look at it and you get a splitting headache. Ooh. Avec la vision, tu sais, ça devient un petit peu blurry. Je vais te demander ton sound check, là. Ouch. It gives you a really, really big headache. And it looks like something you've already seen before. Or did you? Ok, fait que ça va être zéro. Non. Ça va être zéro. Zéro, excellent, excellent. Moi, je suis allé voir la furnace, étant curieux. Tu t'en rends dans le sous-sol? Fait que là, ouais. Je sors mon petit appareil numérique que j'ai acheté récemment. Que je trouve qu'il qui est gros comme ça. Portatible, que, genre, oh, avec un flash. Puis genre. Alright. Je prends une photo pour aller faire, genre, un email à Acel pour dire, genre, j'ai trouvé ça. Puis je le cache. Je cache le symbole en disant à mes boys que j'ai trouvé un symbole, mais je vais pas leur montrer parce que, genre, ça me fait fucking mal à la tête le voir. Fait que j'ai okay. pas envie de leur faire. Je vais vous demander à vous deux des sound checks, s'il vous plaît. Vous deux? Ouais. Est-ce qu'on veut le voir, ça? Non, non. Oh, je l'ai. Je l'ai pas! Ok, un pour toi, puis deux pour Laurent. La raison pourquoi, c'est que. Fait que Johnson sort de l'appartement avec un bout de papier. Puis là, il range dans ses poches. Puis là, il dit... il regarde, puis tout ce qu'il dit, c'est... « Have you seen the yellow sign? » Lui, il dit ça? Ouais. Puis là, il sort une verre de là. Puis il dit quoi? Johnson dit ça. OK. Puis là, il dit ça a fini, puis il sort une verre d'Evro. Puis il dit, « And you, have you seen the yellow sign? » I don't believe so. I don't think so too. What do you mean? I don't think so, what? What are you okay, sign? Buddy? Come here right now, let me examine you. I don't want to show you the paper in my pocket, because it fucked me up. Je regarde juste ses yeux, genre, moi, quand... Es-tu genre les typiques ultra dilatés? Non, ouais. il continue à nous dire, have you seen the yellow sign? Non, il dit juste ça de même, mais comme, il a vraiment l'air, tu sais, comme, have you seen the yellow sign? Puis là, t'es comme, non, puis comme, écoute, tu parles. Okay, you're freaking me out. What the hell happened in there? I think I found the sign Acel warned us about. And I saw it. So now I'm hiding it from you guys, so fucked up stuff don't happen to you. Well, I believe that's a good thing. Thanks. So I'll send I took a picture of it, and I'll send it to Acel. Delete the picture afterwards? Of course. Do you remember anything before you just came to us right now? Found the thing, took the picture, came out. Told you something. I don't think you understood what I said. No. And I said I took this yellow paper and put it in my bucket. That's not so that you don't see it. That's not what you said. It gave me a headache. That's not what you said. That's not what happened at all. I'm getting flashbacks from Spooner Street, guys. Kind of. So... Your... Whatever happened, and let's just move on. I agree, but let's be wary. You seem like this is like the time he was doing the dishes. Well, and the time you drank that coffee that was stale for like a few weeks. Remember that? That was a good one. Do. You did that? Why? La fois qu'il a puke des nuggets. Oh, right, I remember that. I do. You sure you don't want to share what you found with your teammates? You want to see it? Don't believe so if we're going to be affected like you were. Well, that's right. That's why I put it in my pocket and I didn't show it to you guys. I don't want to see it. I don't want to see it. Okay, so you got a lighter? You send it to Acel? I took a picture. I'll send it now. I can't. I gotta get a computer. I got a flip phone that doesn't work like that at all. My phone. My Wi-Fi sucks. Il n'y a pas de photo sur ton téléphone. Mais c'est pas mon téléphone, c'est un appareil. Oh, il n'y a pas de photo sur l'appareil. Yeah. T'as juste pris comme une photo du plancher. Ah, god damn it. Yeah, I believe that that symbol is more powerful than we would think, so I keep that close to you. You sure you don't want to look at it again? Seems pretty sure. Seems pretty sure to me. You want to see it? No. No. Put that in your pocket and don't even think about it. Is that good enough? Ah, come on. Come on, you all want to see it. You want to see it again? No, we don't. Yeah, we've seen too much already. Yeah. Let's keep it handy. Yeah, we've seen too much already. All right. Yeah. Although maybe check the furnace. Je vais te... I want to go check the furnace. I don't know why, but I want to go check our, that furnace. Power times 5. The furnace. Tu l'as? Ok, parfait. Je résiste à la tentation de regarder. Yep, you don't look at it again. Excellent. But you kind of want to. I kind of want you to. You probably should look you at it. You battle to do with power. You probably should. Non, non, c'était correct. What you want? No, I want. I do, but I won't. I totally do, but I will. C'est bon, fait que... Ouais, you want a seat? Non, non. Fais pour ça aux autres. Moi, ce que j'aime, c'est que j'imagine qu'ils sont juste debout, les trois, dans, comme dans le couloir, puis ils sont comme, you want a seat? Non, non, non, du shit. Non, but do I... No, I don't. Et tu penses qu'ils nous regardent, là. Ça, ça fait comme, ça fait comme 8 fois qu'ils mettent dans sa poche, qu'ils l'en sortent. Ils sont debout, puis ils font rien à part, c'est pas... Chaque fois qu'ils l'en sortent, il y a comme toujours le petit sourire. Alright, fait que toi, tu disais que t'allais dans le sol, t'allais voir la fournaise. Ouais. Moi, j'observe sur la pièce par un bout. Ok, fait que c'est ça, un escalier, t'arrives en bas, puis il y a un des lockers que la porte est fermée, mais il y a de la lumière en dessous. Puis. Un locker? Ouais, il y a comme des petits. Puis il y a clairement, il y a une lumière dans un, il y a comme quelqu'un. Tu peux entendre quelqu'un qui bouge une fois de temps en temps. That's it. Tu fais le tour, il y a une. Grosse fournaise. That's it. Ouais. Elle a pas l'air d'avoir été réparée récemment ou de. Bah, elle a l'air de fonctionner. Mais t'es comme. T'es-tu un expert en fournaise? Tout à fait. Non, c'est ça. Moi, oui. Mais ça a-tu. Es-tu récente maintenant? Elle a pas été remplacée récemment? Ben, oh, non, elle date pas des années 20. Là. Je pense pas que okay, ça serait un petit cas. Ça fonctionne pas au charbon. Là. Mais non, c'est un gros water heater. Là. Genre, c'est une grosse fournaise. Y avait-tu une Joan dans la liste des anciens tenants? Yes. Un follow-up sur Joan. There is a Joan. A Joan Brighton. Follow-up? 8 months ago. She left. No contact address, no, of course. She left, no contact number, no return address, no whatever. No, she was a... sociopath? No. That's you. Attends, qu'est-ce que tu disais? Author, no, she wasn't a sculptor. She was a... She did drawings. She was an illustrator. Illustrator. For a children's book. For a children's book. All right. She did creepy children's book? Yeah, mostly. Baby, c'est... Very popular. Baby? 6 mois. 6 months. Okay. 8 months, 6 months. No contact address. No. That's weird. That's awesomely weird. Je pense que j'avais sur mon cellulaire, j'avais le cover du meilleur livre pour enfants au monde. Sans je te montre ça. Il y a un ours dessus, puis il est écrit Be nice to people unless they're mean to you, then murder them. Je pense que c'est ça qui est écrit dessus. Anyways. I want that. Russian children's book. Dessus, il y a juste comme un ours qui est comme. Then murder them. They'll murder you with a smile. That's a fake children's book. Probablement. Okay, so there's that. Mm-hmm. Are you guys... Fait que là, toi, t'es dans le sol. Vous autres, vous êtes en haut en train de flip out. Moi, je suis encore en train de visiter l'appartement. Il y a encore du monde. Moi, je t'en ai obsédé sur ça, mais j'ai appelé pour John. Il y a quelqu'un dans un des lockers, c'est sûr. OK. Qui est en train de faire des affaires. Thomas. Puis Mark. Thomas, c'est probablement... On a toujours pas fait de recherche sur Musty Casting, je pense, à part la musique qu'on a. La recherche qu'on a faite, c'est que c'était un auteur des fin 19e. Qui a fait le datit, mais on n'a pas de plus de renseignements sur sa vie. C'est assez difficile à trouver, considérant que c'était un auteur du 19e, fin 19e siècle. Il n'y a pas de biographie qui ont été faites dessus, genre? Il a fait une couple de pièces de théâtre. Ah ouais, où est-ce qu'il est mort? Il est-tu mort? Oui, il est mort. Sûrement. He's dead and buried in... Paris. In Paris! En deux baguettes, là, tu En deux baguettes et en deux petits verres, ouais. Sa pierre tombale est en forme de camembert. Puis Wikipédia, qu'est-ce qu'il dit sur lui? Ça existe pas encore, Wikipédia. Sa pierre tombale est en forme de camembert. Oh my god. Shame! Bon, bah, écoute, je vais s'y fourrer la place. Je t'aime. Ça ressemble à encore une maison hantée. Hein, man, fuck. No shit. Ben, moi, le papier, il me fait freaker. J'ai quasiment le goût de le regarder. Go ahead. Non! Chill. Tu viens me voir, tu me tapes sur les pots. Can I see the paper? No, I don't. Why did you come get me? Shut up. Can I see the folded paper? Just say folded, I don't care. Just the folded one. Oh my god. It's the paper. It's the paper. No, no. It's the paper. no, no, no, seriously, I don't want to. It's crazy being afraid of a paper. Don't do it! It's crazy. C'est comme la série de chiffres dans le temps, aussi. J'avais trouvé mon matricule, genre, dans l'armée. J'ai dit, what the fuck? Fait que, ouais. You guys have to push forward, or I'm gonna drag you forward. And you're probably gonna like... You're not gonna like where I'm gonna drag you. True. Okay. On va-tu voir l'appartement 6 après avoir checké la fournaise? Y'a pas d'appartement 6. Y'a juste un... C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pis ABC. Ben, le... Mettons le deuxième du deuxième étage. On peut aller voir au toit. On peut aller voir sur le toit. You can go on the roof if you want. Let's do that. You can drag sur le roof. Ah, je vais aller, moi. Ah, I'm gonna die. Ouais, fait que là, ça c'est en considérant que Max a passé, que Johnson a passé une bonne partie de la journée à genre à roam around puis à déchirer tout là. Pendant que, comme tu imagines, que Finley l'a regardé en mangeant des sandwichs là, ou quelque chose. Ben, j'ai obsédé pendant un bout de temps sur ça, mais à un moment donné, je me suis tanné de le regarder puis je suis allé sur le toit. Okay, t'allais sur le toit. Moi, j'ai peut-être stalké un peu Michel okay. Avant cette année-là. Tu regardes dans le people. Tellement, là. Tu regardes dans le people. I know you're in there, Michel! Dirk! Avec mon verre, genre. Michel! I'm gonna get you. Fait que... Ben, I'm gonna get that interview! I got a skeleton key! Tu vas juste débarrer puis barrer sa porte constamment. Ça, c'est vraiment bon. Fait que tu montes au troisième étage, tu continues à prendre l'escalier jusqu'au toit, t'arrives à la porte. Un petit barré. La porte est barrée, mais bon, vous avez des copies, fait que débarre la porte, sort. Il fait très chaud. Genre, t'as l'impression comme que le toit va te cook si tu restes là trop longtemps. You're on the roof. Je suis sûr que la porte se referme pas. Ok. J'ai pas envie de cook on the roof. Je vais te demander un alertness. Ah, mais j'ai juste la porte. Damn! Non. Juste comme tu te retournes pour redescendre, dans le fond, pour rentrer en dedans, parce que t'as rien trouvé, je sais que tu l'as pas eu, là, que t'as fait. You step on something cracks under your foot. Il y a des. Ok. On dirait comme genre des dates. Je regarde de plus proche. C'est des dates. Il y a genre des dates par terre sur le toit. Ok. Peux-tu chercher un peu aux alentours? Yeah, sure. Il y a Dati qui traîne. Tu trouves des sticks de cannelle. D'autres dates. On dirait genre des seeds de comme de des fruits. Mais pas de dates? Non. Pas des seeds de dates? Non. C'est pas mal ça. Il y a des... des espèces de confettis colorés. Là. Ou c'est peut-être, dans le fond, des pétales de fleurs. You're not, you know. It's not a gun, it doesn't go boom, you're not really sure what it is. You can't kill someone with it, so you're not really familiar with it. You'd be surprised what I can and can't kill you with. I'm gonna kill you with this petal. Man. C'est juste stabber quelqu'un à mort avec un noyau d'acier. I could kill you with this stump. I'm listening. Ouais, mais là, j'ai comme perdu le fil de ma pensée, fait qu'il faut que j'y repense. Ouais, fait que... Je ramasse comme un petit extrait d'un peu tout. Un petit sample, puis je redescends. Comme ça, un free salad. Ouais. La bouche. Ouais, c'est comme. C'est toutes des. Ben, l'affaire qui stand out, c'est toutes des affaires qui ont l'air exotiques un peu, puis qui ont comme. Ouais. Pas vraiment rapport sur le foie. Je les descends, puis je les monte à des roues. Hey, I found this on the roof. Look at this. He's busy, he's hammering on the Michel. Look at this! Michel, I'm hearing you! Shut up! I'm stalking someone! I know where you live. Seriously, Fait que. Stéphane. Stéphane. What the fuck do you want? Look at this. I found these dried dates. You have one. J'ai l'air que en disant, t'as réalisé à quel point c'était ridicule. Stéphane, I found these dried dates. Fuck you. you want me to do with it? Come on, Chuck Day, what the fuck do I care, man? I'm stalking this poor woman. Go away. I'm kidding myself. Good for you. You want crack investigator there. Somebody took a dinner up there. Bravo. You freaking jarhead. No, seriously, I want your opinion. I found this on the roof. La porte de Michel a s'ouvre. Elle fait, could you keep it down? I'm trying to work. Hey guys, keep it down. Michel. Hey, avant qu'après ça, je peux-tu réussir à mettre mon pied? Sure, Dex times 5. Dex times 5. Yeah, I got it. What? She's gonna break your foot. Tu squeezes, elle ferme la porte très fort sur ton pied, puis elle fait, I'm sorry, sir, could you move your foot? I'm very sorry, Mrs. By the way, it's the first time you see her. She's small. She's tiny. Miss Van Fitz. She's small. She looks kind of portly. She has like a dyke haircut. Miss Van Fitz. I'm Imogen Devereaux, as you know already. she sighs heavily. We just have a few questions for you. I'm very busy right now. Okay. Could you just give me a few minutes of your time? No, please? I don't have and a few minutes. And then we won't those bother are minutes you again. I will never have back. I won't ever unlock your door or lock it again, like 30 times in a row again, I promise you. Yeah. You know what? I'm going. It's comme la promesse la plus vague. If you don't remove your foot from my door, I will call the police right now. We are the police, Ms. Van Fitz. I don't care who you are, I will call my own police. You have your own police. I've heard that you haven't paid your rent in a few months, Miss Van Fitz. So what's going on? So sue me! Well, the company just might, you know? What's going on in this building? Nothing is going on. People go about their daily lives and work on what they have to do, and that's it. And what do you know about Laura? I don't know anything about Laura. She lives on the fourth floor. I don't really mix with her, and that's it. Which floor did you say? She lives on the first floor. Oh, I heard something else. I'm sorry. Yeah. She looks like a tiny bulldog. A tiny bulldog. No, I know that we bother you right now. Elle commence vraiment comme à pousser la porte sur ton pied. Je reste là. You hear bones cracking. No bones are cracking. I use all my strength. And just who are you, sir? Appala, I think. Oh, I'm his associate. I don't know. What's funny? This is harassment. If you don't have a warrant, I'm gonna have to ask you to leave. We're not entering here. Okay, I'm asking you to leave now. Okay, we're gonna leave in advance, Fitz. Don't worry about it. We have all that we need anyway. J'imagine la scène, la fille fait juste forcer contre la porte puis qu'elle a juste son pied dedans. Just so you know, we've got our eye on you. J'enlève mon pied. T'as attendu. Elle ferme la porte. Of course she puis does. À bord puis elle met la chaîne. Juste pour la vallée. Alright. Gratuit. Je pourrais tellement être défoncé sa porte comme arrive. Ouais. Bon, bon, man, we got nothing. So you've talked to Thomas Manuel, you've talked to Michel Van Fitz. There's Louis Post in the building, there's Roger Garoon, there's let's go speak to the other tenants. It's Gord. They're probably all insane anyway. Should we go spark? They don't get out. They never get out. Ok, c'est fait quand même, encore faire du papier partout. Hein? Ben, actually, they will never get out leur papier. Ok, maintenant, dans le fond, okay, là, on peut dire que le. You know, the afternoon is almost over. Night is coming. This could take a while. I'm not is that a stare down? I'm not moving. No. Yet. Watch me 10 seconds before sunset, though. The sun is coming down! The sun is coming down! Sauf par la fenêtre du troisième étage. Il reste Louis Post, il reste Gord. J'adore ça comme prénom. Gord. Tu sais, qui c'est qui a fait son enfant Gordon. Même? C'est chiant. Gordon. Il reste Roger Caroon. Let's start with the closest one from Michelle. The closest one to Michelle, that would be actually Louis Post is in the apartment just across from her. Alright, so you go knock on Louis Post's door? Okay, moi je vais juste appeler à des rooms. I'm gonna hang a little back, but I'm not gonna let you take the lead. Okay, fait que, yeah, some guy, probably in his late 20s, opens the door. He's, you know, dressed sharply, smartly. He's kind of clean cut. He's got a big smile on his face. He looks very friendly. He says, yeah, how can I help you? Hi, Mr. Post. Yeah. This is Agent Devereaux from the FBI. Oh, well, good evening to you, Agent Devereaux. Comme, he tend sa main. Fait que stand dans le Quand je dis pis là il stab dans le gorge, on se paraît. Oh cool. Yeah. I like this guy already. Il y a une firm handshake là. So we're following up on the investigation on Miss Wright's disappearance. Oh Laura, yeah, I heard about that. That's, I mean, is she really like missing? Did you think someone murdered her? I'm not sure about it. We're just following up on the investigation. That'd be horrible. It's still an ongoing investigation, so we can't read that an investigation. I completely understand. I once worked on a comic book about a secret detective who is also a whale. It's very fascinating. We're following up on the investigation from Miss Wright. Did you know Miss Wright personally? Well, not really. I mean, I think last year she had a big New Year's party. That's probably the only time I really spoke to her. But no, she seemed really cool. She was an artist, so you're an artist too? Yeah, I'm an illustrator. I do mainly comic books. Comic books? Yeah. It's a very good pay, I believe. I heard that many tenants in this building haven't paid rent in a few months. Is it your case too? Maybe I forgot this month. I do okay. I mean, I'm not working on anything right now. I mean, I've got some personal projects going on, but, you know, nothing too big. I should be okay. Hmm. So, what did you hear about around the town that Miss Wright's disappeared? Did you see anything unusual around the apartments or something like that? No, nothing jumps to mind. I mean, I work from home, so I don't get out that much. I usually, you know, I eat out sometime, but I mostly order food. I guess that's, you know, but I can't think of anything. Je peux t'interrompre juste 30 secondes. Mm-hmm. Lui, c'était quoi sa job? C'était un illustrateur. Pour enfants? Comic books. Comic books and yeah. Like, he does like fantasy covers for... Il n'avait pas fait d'apparence pour depuis un bout de temps? No, that would be Roger Caroon. Ok. No, that's lui, good. Lui, il est encore sorti? Il... Well, he doesn't really have to go out. Ok, genre Comic-Con, ça va rien, il va pas se faire. No. Comic-Con. Yeah. Comic book illustrator, tu peux... Il n'est pas assez cool encore, ça. Il n'est pas assez cool pour passer. Not big enough. And did you see the apartment of Miss Wright itself? Did you ever... I mean, except at that party, no, I've never really been. Was it normal then? Was it, I mean, compared to what? Compared to how it is right now? You must have peeked inside or something? No, I haven't. I heard the police go in once, at least. Someone with your imagination? You didn't peek inside to see what was going on? No, it doesn't concern me. I mean, I like to keep my head clear so I can work properly. Bet you do. You sure you've never read my my book? It's called... Yes, I'm pretty sure. It's called Super Detective Whale? No? Yeah, I must have heard of it somewhere. It all happens underwater. It's in like this super cool fish society. Thank you, Mr. Post, for your time. We will be continuing about an investigation. Thank you for valuing that. Y'a l'air un petit peu déçu. Il voulait me raconter son histoire. I'm actually interested. Can you please go? C'est juste arrivé de nulle part. Je fais comme... Ouais, il est à côté. Je range un papier dans ma poche. Et puis, t'as regardé ou pas? Je t'ai regardé une fois, mais... Tu l'as-tu regardé? Non. Ça, c'est qui a appris Mr. Post, là? Hein? Non, mais toi, tu rentres dans son appart, là? Comme tu veux aller y parler, là? Ben, moi, j'arrive à côté, puis je suis genre... Yeah, sure, come in, I'll show you. I have some sketches I'm working on. It. Sure, okay, sure. Gotta go. I'm curious, too. Non. Correct, ouais. Je prends de l'eau encore? Ouais. Non, ça dérange! Non, comme le Saint-Laurent va être sec. Ben, éventuellement. C'est Oui, éventuellement. Alright, ben, yeah, you both go into his apartment? Okay. He's like, and you are? He's fiddly, he's a probie. Oh, okay, I see. Yeah. Aren't you kind of old? That's none of my business. I'm sorry, I shouldn't have said that. Life paths are different for each person. Yeah, I know, but I mean, I like the duo. It's like one of them is like super tall and vertical, and the other one is. I'm not saying you're fat. I'm just, you know, it's the other one is like this, and then like this, and have you? Yeah, that'd be a good play. You come out of passing on son trip, puis comme il a l'air d'avoir une idée pour quelque chose là. Like one could be like a kangaroo and the other one a bear. See why they didn't want to stay there. And they fight crime. I'm a fucking kangaroo. I always knew I was a bear. Just get the fuck out of there. Or maybe it could be like a seahorse and an orca. Okay, la part en fait, c'est que je nudge Finley, genre. À check autour de l'appart pendant que moi je geek out avec lui parce que je suis un geek. L'appartement est un. T'as rarement vu un messy dump comme ça, là, comme c'est fucking dégueulasse. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de cockroach est presque miraculeux. Ben, il y a des. Juste parce que je les vois pas. Ça se peut, ouais. comme, tu sais, il y a genre des grease stains sur comme tous les meubles, il y a genre des vieilles pizza box. C'est comme la pizza est avait de s'auto-manger elle-même, là. Il y a plein de contenants, genre de, comme des contenants de peinture, d'encre, qui sont comme même pas fermés. Il y en a un qui est renversé dans le coin. Mais pourtant, le gars, il est super propre, sharp, super clean cut, mais genre son appart là est dégueulasse. Dans la cuisine, genre la vaisselle a overflow 10 times over. Il y a de la vaisselle qui a été jetée au lieu d'être lavée, juste comme fuck it. Là. La chambre? La chambre est en super mauvais. Il n'y a même pas de mobilier pour le lit. Le matelas est juste comme à terre. Il n'y a pas de drap contouré. Juste comme un matelas avec genre comme une couverte. Puis tu les stains sur le matelas, genre? Tu lèves les couvertes puis tu regardes les stains. Ben, j'essaie de voir sans lever les couvertes. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de stains. Ouais, peut-être dans le coin, là. Mais tu sais, je sais pas, c'est dur à dire c'est quoi, là. Pendant qu'ils sont pas avec moi dans la chambre, oui, je lève les couvertes puis je check les stains. Oh, ouais, c'est dirty. C'est genre des dirty ass sweat stains, là. Je regarde la salle de bain, plutôt, si je peux. Hein? La salle de bain. You don't want to go in there. Comme tu commences à ouvrir la porte, tu fais comme nope, that's a bad idea. It's like a team of monkeys. Genre comme ça. Ça sent comme il y a des odeurs qui sortent de là qui sont assez intenses pour comme ça pique tes yeux. Voilà, ouais, allez voir que je vois le coin d'un miroir, fait que. Yeah, maybe. tu vois ta réflexion, t'es comme. Nope. Just nope. Ouais, la seule place qui est dégagée, c'est il y a comme un drawing table avec un scanner à côté, il y a un ordinateur, il y a une coupe de comic book. Il y a un gros dessin genre d'une espèce de baleine à bosse mais qui a comme un monocle puis genre un chapeau à la Sherlock Holmes. Such bad. Ouais, not bad. So tacky. Puis so tacky. Il y a that's pretty much it. Puis après qu'il m'a parlé de toute sa BD puis tout, je lui demande si lui il connaît ça par hasard, la balade du roi en jaune. Thomas Castaigne. C'est pas Thomas. T'as-tu. Thomas Castaigne. Hein? Ouais, Thomas de Castaigne. Thomas de Castaigne. T'as-tu. Psychology? Je l'ai à 10%. Better than nothing. Puis si je le fais plus qu'une fois, est-ce que je mets plus qu'une coche? Ouais, sure. Je l'ai pas. Je peux-tu le faire moi aussi si je suis là ou. Toi, t'es pas là, t'es jamais rentré avec toi. Moi, je suis là-bas. Tout à fait. Yeah, ok. Regarde, ok, geek out. Moi, je suis là-bas. Ouais, sure. Sauf que moi, je l'ai pas, mais je peux le faire à... C'est... 10 plus mon intel, c'est mais ça? Il va pas upgrade, si tu veux. Ouais, non. Mais tu peux l'essayer quand même. Non, je vois. Non, il est juste comme... I don't shit out. Well, you know, it's an old piece of theater by this man. It was very... I'm more into the recent stuff. It was more, you know, like the Avengers or... Or like Beasts of Burden. Have you ever read? It's really cool. It's about dogs who investigate paranormal crimes. Seriously, Maybe. Yeah, I actually have it for real. I have it for real. I'm not even kidding. I have it for real. I can Beast go of get. Burden? I can go get it now. I want to go get it now, like right now. I want to show it to you. Well, that's pretty cool. Yeah. But don't you know anything about the girl? Have you ever read Sex Panther? It's about. Well, it's about a panther, see, and it's turning around, yeah, it's and, around about a, and around. It's about a prostitute. Just get the fuck out of there, Johnson. So it's pretty much self-explanatory. No, but she solves crime too. I mean, like sex crimes. I mean, panther sex crimes. Well, thanks for your time, Johnny boy. See. Yeah, I fucking told you. It's a freaking waste of time, and I told you. Not a waste of time entirely. The guy doesn't live here. The guy is really too clean cut, too neat. You guys can come out anytime, you know. I got beer in the fridge if you want to hang out. I'll order pizza. We can talk about whales. Sure, thank you. Thank you for your you. Time, sir. Je avec la papier. Avec la papier. Pas parce que je le tente. Ouais, tu vas le tester sur un étranger, là. Sorry about that. Yeah. Sir, thank you. We were never here. Oh, what is that? No, no, no. Je l'ai montré à vous. Je l'ai montré à vous autres parce que c'est pas grave que vous autres vous voyez. You know, he doesn't live there. Look, je le fais pas pour vrai. Il est encore dans mon poche. T'es sûr qu'il est encore dans ta poche? But he seemed to be working there anyhow. There was like comic book stuff and shit like that. You sure you don't want to look at it again? Think he's a squatter? He used to live there. Faire un willpower roll. He used to live there. You might want to look at it again. But now he's a squatter. Willpower roll. Yeah. Power times five. Yeah, you don't make much sense to me though. Sorry about that. Concept. Yeah, no, it's fine. You want to look at it, and you probably should, but you don't. I want to look at it again, but I won't. You want to lick it. No, you don't. You want to lick it. That's not true. Okay. Okay, so c'était Louis Post. He likes still, whales. Yeah. That was a bit of a waste. Okay, needs friends. Il reste Caroon. Que vous avez pas entendu. Mr. Caroon, Mr. It's Robert Caroon. Robert Caroon, let's go see Mr. Caroon. Okay, fait que vous descendez au, il est au premier étage. Vous descendez au premier étage, puis en arrivant là, je vais demander un Dex times 5 à tout le monde. On doit tout dodger une hallebarde qui descend soudainement comme ça. Hallebarde! Oh yeah, I got it! Pas moi. Ouf, 92, je l'ai pas pensé. Toi, tu l'as fait à la 92. Mmh. Toi, tu l'as fait à combien? 76. Ok. Epic fail. Ça va être. Tu pognes pas du damage, mais en descendant l'escalier, tu vous tournez dans le couloir, puis tu t'enfarges dans un fil. Comme un fil qui passe en dessous du tapis, là, dans le couloir. Là. You almost break your head on the wall. God fuck damn! Mais comme un. I mean, like, wire. Not, pas comme du fil de tapis. Someone's running a wire under the carpet. Ça vient d'où? Ça a l'air de. We follow the wire. Ça a l'air d'aller de l'appartement de Thomas Manuel. Le wire, il part de lui, de chez eux, il s'en va en dessous du tapis, il se snake en dessous du tapis, puis après ça, il fait comme le tour, puis il rentre en dessous de la porte de chez Abigail Wright. On rentre chez Abigail. Ok. En plein milieu de la pièce, il y a comme un petit genre un petit tabouret. Puis sur le tabouret, il y a un micro. The super. That's what the super is playing. Moi, je dirais qu'on devrait aller chez Manuel. Ben. Moi, je propose qu'on ferme la porte. En fait. The lead is pointing to pretty much him. Okay, let's go. Follow the wire in the other direction. Okay. Mr. Manuel, are you there? Il n'y a pas de réponse. Use the skeleton key. Wait. J'en frappe encore plus fort. Non, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. I use the damn skeleton key and open the goddamn door. All right. Ouvre la porte. Le rapidement, je regarde ma montre. Tout est correct. Ben, tout est correct. Ok, mais le temps passe, vous savez. Ouais. Mais il est tard. It's gonna be night soon. So 7:30-ish. Yeah, sure. Shit. C'est l'été, fait que le soleil se couche un petit peu plus tard. Yeah. Mais non, tu sais, comme tu vois que la lumière dehors commence à changer un petit peu, là, puis... J'ai le même gear que j'avais hier. Ouais, ok. Wow. Night is coming. You never know what night's gonna hold. Night is coming. Il met son masque à gaz, là. You get it. Ok, ben le fil, il rentre dans l'appartement, puis il s'en va. Il a l'air d'être branché dans un espèce de... Un gros tape recorder, tu sais, qui a comme deux... Le tape qui est genre old style. Est-ce que le tape est parti? Ouais, le tape il roule. Le tape il enregistre. Depuis longtemps? Ouais, probablement un petit bout là. C'est parce qu'on peut le voir. Oh, ouais. Ça doit faire au moins une heure ou deux là. Il n'y a pas l'air d'avoir personne dans l'appartement là. Ni de celui, ni de Abigail. Abigail, on m'a juste ouvert la porte pour checker, puis on a eu le micro tout de suite. Là. Ben, moi, je retourne voir dans l'appartement. Y a-tu d'autres changements? Moi, je reste à côté du tape, voir si lui fait du mal, est-ce qu'on entend quelque chose dans. Je vais te demander un sand roll, par contre, s'il te plaît. Ouais, ma loc m'a abandonné. Ok, tu perds juste un. t'es dans l'appartement tout seul pendant quelques temps, puis t'as. Clairement, l'impression, t'es presque sûr à 100%. There's someone watching you. There's definitely, you can feel eyes on you or someone watching. Dans une pièce en particulier ou... Non, c'est juste comme c'est une impression très forte. On se rend compte que c'est Johnson qui est vraiment très proche. Surtout que c'est pretty damn like comme il est littéralement là. Là. Yeah. You okay, buddy? Ouais. Ok, ben je fais un tour des pièces, voir si j'ai tout le temps la même impression ou. Non. Peu importe. C'est un feeling que t'as dans l'appart. Moi, je profite du fait que je suis chez Manuel pour regarder. Je fais-tu un autre jet de alertness pour voir s'il y a des choses au niveau ou. Yeah, sure. Chez Manuel. Je l'ai. Ben c'est vrai, faut que je coche. Quand tu l'as pas. C'est quoi que j'ai manqué d'avant? C'est un roll. God damn it! That doesn't work. Tu vois, j'ai rien manqué avant. Thank good. À part des sirens. Manqué un, là. Tiens. Ok. That's what you find. Comme à terre dans une des pièces. That's just fucking great. Moi, je suis chez Manuel. Ok. Chez Manuel. Johnson, you. Johnson? Johnson? Check the wire. Call you. Des bros qui n'étaient pas venus de la pièce. Johnson! Johnson! Qu'est-ce que c'est que tu m'as fait? I got another one of those! I don't want to look at it. Devro. But, oh, il est plié en plus. I don't want to look at it. What's up, Devro? I think I'm going to burn it. Should I burn it? Oh, fuck, I don't smoke. Eat it. Je check dans ma poche. Mm-hmm. Ouais, chacun un papier pas mal pareil. Là. Found that in the apartment. So you look at mine, I look at yours? Don't say that again, please. Don't. Show me your thoughts on your mind. Wow. J'ai l'air que comme, tout ça, la conversation que vous avez est comme enregistrée dans l'appartement de Thomas Stanley. Fait que t'as juste comme Philly qui entend ça, qui était comme... You wanna look at mine or look at yours? Yeah, speculate on that, man. I'll gladly do. Seriously. Yeah, excuse me. Should I look at it? I believe I have the temptation to look at it. You should. You really want to. But will you? I've been able to not look at mine for the second time for a while now. Tu fais un peu de psychologie, voir s'il est en train de d'être affecté par quelque chose sans qu'il s'en rende compte. Sure. He's kind of fucked up, but he's always been kind of fucked up, so ça veut pas vraiment rien dire. Je connais pas son baseline de folie. Non. Fait dans l'appartement de Thomas Manuel, c'est très, comme je disais tantôt, c'est vraiment bare bone. Il y a presque rien. Il y a pas d'art supply. There are no art supply of any kind. For a guy who paints, there's a clear lack of painting stuff. And he had fresh paint on him. Yeah, right. There are no books, no magazine. That's what I thought. He's a ringer. There's nothing really. Comme à part genre des tapes audio pas identifiés, il y a pas. Pour un painter, il y a beaucoup de shit d'audio. Ouais, c'est ça qu'il disait, qu'il était aussi un sound mixer. Mm-hmm. Do you search the apartment, like, ouais, thoroughly? Ouais, bah, peut-être pas thoroughly, mais je le cherche. Ouais, assez pour dire, ok. Assez pour dire, je cherche voir si c'est quelque chose d'intéressant. Oh, il y a des meubles. Oh, et genre, j'imagine comme tu ouvres des tiroirs, tu check, mais tu sais, sans trop, comme tu t'es pas en train de crisser des affaires à terre. Pas à ce point-là. Okay. Je fouille pas. Tu cherches pas comme une police, tu sais, genre. C'est ça. C'est ça. Puis sors le couteau, déchire le Mac, là. Attends, mais je cherche comme un cambrioleur précis. Ok. Sans toutefois tout crisser à l'heure. Tu trouves quelques trucs. Oui, tu trouves des copies dactylographiées des que vous avez déjà trouvées, t'en trouves quelques-unes aussi, qui sont les mêmes. Tu trouves tu trouves un il y a une plante, une des premières affaires qui attire ton attention, c'est le fait qu'il y a comme une plante dans un coin, mais bon, tu te rends compte assez vite que c'est une plante en plastique. T'as comme la plante, t'as la base, puis comme crissé dedans, je sais pas comment dire, là. À moitié genre dans l'espèce de, tu sais, c'est pas de la terre, c'est des espèces de petits bits comme de bois là, comme rouge, tu vois ce que je veux dire, des copeaux merci. Il y a un espèce de médaillon comme en, on dirait c'est fait en bronze ou du moins de couleur bronze, c'est en métal. Il est clean des deux côtés, c'est juste comme, c'est comme une médaille que tu gagnerais quelque part mais qu'il y a rien dessus là. I'm stupid, I grab it, I look at it. Alright, there's nothing. Mais il y a quelque chose de gravé dessus? Non, c'est vraiment. C'est rare, juste comme un disque de bronze, là, avec un. Ok, il n'y a pas genre une médaille pour l'accrocher au cou. Mais il y a un petit lanyard, genre en cuir, pis là, tu sais, ça. C'est assez blank, là, assez bland. Okay. Par contre, en gossant un petit peu avec, tu te rends compte que, comme il, quand tu le tournes, dans le fond, ça se dévisse un peu, pis ça s'ouvre. Attends, je peux le. Ouais, tu peux comme l'ouvrir, tu sais, c'est. À l'intérieur, il y avait probablement quelque chose avant. C'est épais comment? Ça? À l'intérieur, il y avait probablement quelque chose parce que des deux côtés, il y a comme un petit peu comme de papier qui est collé. Tu sais, comme s'il y avait eu quelque chose de collé, puis comme tu sais, maintenant qu'il y avait des photos ou whatever, puis qu'ils auraient comme ça aurait été enlevé. That's pretty much it. Mais il n'y a rien dedans une fois que je l'ai vu. Non, il n'y a rien dedans. Et c'est à peu près ça. Yeah, that's rien d'autre dans la place? Nope. Ok. Je le garde, je vais leur montrer ce que j'ai trouvé. Regarde, il a fait un disque, puis je leur montre le dévisseur, puis à l'intérieur du papier. Là, je vois que vous avez encore vos papiers, vous autres, puis vous avez encore un genre de vos papiers. Puis là, je fais. Puis là, on fait. I'm feeling out. I left out. I haven't looked at it yet, though. I'm curious, but I haven't looked at it. I think I'll try investigating the company that owns the building. I haven't opened it yet. I found it. J'ai juste trouvé, genre, dans... Il est rendu 7h50, on va dire. Night is coming. Soleil? Pretty soon, yeah. Une obsession avec ça, toi. Pas dessus, Fear of the dark! I hate its Buddha Street. You have no idea how much I hate its Buddha Street. Le méchant de la bleue. On a-tu le transcript du King in Yellow, là, qu'on peut avoir? Ouais, tu peux aller chercher. Ah ouais, bonne idée. I'll go get it. On est quel jour la semaine? You will. No, please come with me. N'importe quel jour que tu veux, là. Let's do this. Let's go as a team. I don't mind. It looks the same. No, I don't mind. Keep them. You kind of want to look at it. What? I kind of want to look at it. While they're hanging out with their papers, I go get the transcript. You guys are hanging out with your papers. So you have a transcript of the King in Yellow play. It's written in English. It's a translation from French, probably. Published in 1895. Il y a une petite description que quelqu'un a écrit comme à la main avec pour te, parce que vu qu'ils t'ont pas envoyé le livre pour que tu puisses savoir c'est quoi. Mm-hmm. D'habitude, c'est un petit livre comme noir avec un ils décrivent comme étant un symbole jaune comme gravé dessus. Le livre est fait comme en espèce de feutre là, le je sais pas comment dire. Felt. Thank you. Felt. And that's it. Do you plot? Est-ce que tu check la première page qui va probablement être la cover qui a été scannée? Ouais. Do you want to use a bond? Not bad. You're gonna need one apparently. Yeah, I think about my drill sergeant Albert. No, qui était super courageux. Non, je pense à mon oncle Joey McTaggart qui m'a toujours encouragé à aller selon mon cœur. Parfait. All right. Fais ton sand roll avec, en ajoutant ton sand roll avec, c'est ça. Mon score. Yeah. Mon sand roll, ok. Fait que ça fait. Oh, ok, great. And I don't get it! Attends, oublie pas que t'as plus 10% parce que t'es pacté. C'est vrai! Tu l'as-tu? Non! Non? All right! Fait que tu l'as pas quand même. Ok, non. Fait que tu perds. 20% je l'aurais. C'est, je pense que c'est un des trois de ton... Non, c'est tu perds un de ton bond. Un de mon bond. Parce que t'es comme... He told me to do this, and I did it. And it was a bad advice. So he broke the bond. Fait que ça va être un des six, s'il te plaît. Of course. Oh, oh shit! Of course. OK. T'as fait un des trois, puis t'as wow. eu un des six. Wow! OK, ouf. Fait que vu que t'as perdu plus que 5 de chat, c'est un temporary insanity. Oh, God. You see the yellow sign, and it bores itself into your brain. You feel like your eyes are gonna pop out of your head. You feel like you're gonna... You feel yourself falling forwards, but not. And suddenly the room seems to shrink. And every single time you breathe, and every single time your heart beats, the room goes. You drop the papers because you're just like holy of course, shit. Of course. You grab yourself on comme tu sais le comptoir du coffee shop. Puis la barista est comme shh dans la façon café. Le comptoir il a comme mais l'air ça, il a l'air slimy. Puis comme t'as l'impression qu'il pulse lui aussi, puis yeah, it's on est-tu là là, mais l'avez-vous suivi? Ben ouais. Oui, il y a genre de monsieur. Ah, mais là toutes les pages tombent par terre, puis on dirait que Finney t'arrive à avoir une panic attack. And, okay. Moi je te regarde, je te laisse pogner Finney, moi je ramasse les papiers sans les regarder. Moi je l'amène avec moi. Je l'ai fait dans le capable de traîner. Yeah sure. Come with me man. Je le sers fort. Okay. Je t'ai pas mis ton autre bras. Ok, buddy. Ok. Okay. Puis j'ai le fond en dessous du bras. Okay, on a-tu aussi qu'habite? Non. Non, je t'ai donné mon adresse. Do you know where he lives? Je t'ai donné mon adresse. I know where he lives. We'll get him there. Don't worry. Is it far away? Not that much. And I'm sorry, but your PTSD is back. Sure, of course. Figures. That's nasty. Ça veut dire ça, c'est le maximum que tu peux perdre d'une shot ou presque. Je suis capable de voir qu'il y a l'air d'une crise de PTSD, genre. Ouais, il a l'air. He looks like he's somewhere else. He's probably back in the desert. Or in Spooner House. In Spooner House. Il y a rien que je peux administrer pour le calmant. Tu peux donner. Ouais, tu peux donner un calmant. Genre de l'alcool. Moi, j'ai mon pharmacology kit. Non, let's go. Je peux whip up quelque chose. Ouais, définitivement. Tu peux donner un shot, là, genre comme assis sur le trottoir. Non, non, je vais attendre de revenir chez eux, c'est sûr. Je t'enlève ton chuck, anyway. Parfait. Fait que, ouais, ben, tu peux faire ton pharmacology roll, puis. Pharmacology, pharmacy. Du tabac, les... Parfait, ouais, tu lui donnes de quoi, ça le calme, de genre les poupées qui font. Tabac, fait que quoi. Maintenant, Finley est un tabac. Petit peu pacté puis un petit peu drugged out aussi. Là. He's gonna sleep it out. He's gonna sleep it out. If he can. Ouais, il doit être fait que vous avez une copie du, une copie photocopiée du King in Yellow. Qui est dans les pages. Looking at the cover page is probably not a good idea. On peut-tu skip la page de couverture et commencer à la rencontrer? Ouais, vous pouvez l'arracher et la brûler si vous voulez. Je la chiffonne. Although you kind of want to look at it. Je la chiffonne. Je suis en train de la chiffonner encore. Je la chiffonne pendant un bout. Are you okay, man? I kind of want to look at it. You want a shot, too? No, I'm good. Sherlock, ça va, Philippe, tout le monde va être en train de se donner des intraveineuses, puis d'être comme, OK, OK, I think we're good. Are you high enough for this? Prends une petite pause. Il y a du tabac. Anyway, non. Il te l'a jeté. C'est assez. All right. So, yeah, you go back to Finley's place, you give him a shot. Genre comme vous l'abriez, genre sur le sofa. And, yeah. Il reste-tu, il réussit à dormir ou faire quelque chose comme ça? Oh, ouais, ben, moi je considère que tu lui as donné assez pour qu'il dorme. Pour qu'il dorme. All right, so that was interesting. So we should fucking walk through. Sa pression va être... Through the fucking roof. Ah, tellement. So we should fucking watch him for tonight. Tu es capable de lire? Ah, j'avais déjà vu. Non, c'est ça, j'avais regardé le timer. All right, à lire, ça va vous prendre du sand roll. Je vous avertis tout de suite. Dr. Devereaux, would you... Moi, j'en ai plus. Moi, j'en ai plus. Je vais me sacrifier, là. But I'll give you a paper. Tu nous résumeras. You your wanna paper? Give you your paper. What paper? The paper. No, I wanna keep it's my paper. Sorry about just, that. Just hand it to me for a second. Not sure about that. Come on. I don't believe that's good you, for you. You read the book, I'll look at the sign. I don't think that's good for you. Hey, tu me donnes un long crayon, là? Il y a une règle à quelque part. Then won't you look at it? Then won't you look at it? I believe it's better if I keep it without looking at it. Is that a deal? Why don't you show it to me? You're gonna read the book. Might as well look at the book. So maybe preserve your sanity right now. What do you think about that? The symbol? You want to lose time again and do some shit that you didn't do? It's full on. Don't remember doing it. I think it's on the sofa. You got a point. Damn! Colossus! You got it? Damn, you didn't want? Merci pour le sacrifice, guys. Ok, il y avait ça aussi. Damn! Tout le temps des affaires drôles cachées entre les divans. Put a sharpie pad up your butt. Fait que tu veux tu lire le comme toi tu passes la comme Devereaux passe la nuit à lire le play. Oh. Okay, you wanna use a bond? ouais, pourquoi pas, je vais essayer avec Miranda Reynolds, un old colleague in flame. All right, perfect. You go ahead. Tu rajoutes son rating à ton sand roll. À mon sand roll, donc 10 64. Oh, yes. OK, un des trois. Un des trois que je perds. Trois. Oh, quand même. tu peux te rajouter un 5% à ton unnatural skill. Unnatural. Mais as-tu perdu un des trois avec ton... C'était-tu de sang qui perdait? Ou ouais. OK. C'était pas ton bond qui perdait. C'est juste quand tu fais. Ouais. Ah, c'est quand tu fais que tu vas perdre du bond. T'as trahi! Fait que dans le fond, it's called The King in Yellow or The Queen and the Stranger. C'est comme le sous-titre. C'est une pièce qui est genre fantastique, qui se passe dans une ville fictive qui s'appelle Yitil. Qui est genre, tu sais, comme une queen qui s'appelle Cassilda. Puis comme plein d'autres, en tout cas, personnages, là, je vais juste résumer la pièce vite. Puis à un moment donné, à cette ville-là, il y a quelqu'un qui arrive qui s'appelle The Stranger, puis qui commence à, comment je peux dire, tu sais, comme qui parle jamais, puis qui est juste tout le temps là, puis que tout le monde tente de se demander, comme, ah, tu sais, pourquoi est-ce qu'il vient, c'est-tu un envoyé qui arrive de quelque part, puis c'est comme jamais trop clair. Puis plus le Stranger est présent dans la pièce, plus les personnages semblent dire que la ville se transforme, pour finalement devenir une autre ville complètement qui s'appelle Carcosa. Puis quand c'est devenu Carcosa, là, tout le monde fait genre comme un gros party, tout le monde est content, puis là, ça finit genre que comme tout le monde se pitch puis va se noyer dans un lac. Des points importants, Carcosa is built around a lake. It has a really big palace where the stranger goes. Name of the palace. Name of the palace. It's just called the palace. Just the palace. Carcosa's palace. C'est ouais, c'est pas mal ça. C'est... Mais en tout cas, comme je te dis, là, au pire aller, je t'emailerai un résumé, là, parce que je sais comme je veux pas lire les 16 pages du résumé de la pièce. But yeah, there's a lot of weird stuff going on, a lot of weird things being said. Il y a une couple de chansons dans une affaire qui s'appelle Kessil de Song, and it goes kind of like that. Lost Carcass. Yeah, and that's it. So, everybody... En fait, c'est ça, genre, les extraits de la pièce se rattachent avec le peintre, puis est-ce qu'ils se rattachent avec les textes dactylés qu'on avait trouvés? Non. Non? OK. Non, c'est autre chose. Ah, j'essaie de faire un jet de culte pour Carcosa. Attends, j'ai presque oublié quelque chose que je vais vous donner. Tout ça, je un des 6 plus 1. Attends, je l'ai eu ici. Yep! Oui, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que je t'ai suggéré d'utiliser un bond. Je trouvais que c'était une bonne idée. The text is an ambiguous dreamlike play that opens readers to madness. Parmi les pages. Qui ont été faxés, là. You get you find something that comme qui fit pas avec les autres. Tu trouves un autre feuille d'actylographie. Dans le. Yep. Yep. Comme parmi comme tu tournes puis entre deux pages scannées, il y a ça. Là. It goes like this. Scene: the hallway outside the smoking lounge. Daryl Brock and the night manager stand facing each other. Singing rises to a crescendo, then explode into a feverish scream. The night manager. Joan is in fine form tonight. Daryl. I'm going to miss her keeping me up at night. Laughs. The night manager. I'm going to miss you. You're one of my favorite tenants. Daryl. I was a pain in the ass, man. And you never did fix that leak. The night manager. I'll get to it tonight. There's a new tenant due soon. Daryl. Yeah, so I hear. Well, you take care, man, okay? Daryl and the night manager shake hands. The night manager. It's been good, Daryl. You take care. Daryl. You too. Daryl starts to walk down the hall. The night manager. Daryl, it's the other way. Daryl laughing. Sorry, man. I must have gotten turned around. The night manager. That's completely understandable. Daryl. Guess I shouldn't have clawed my eyes out yet, huh? The night manager. It's a statement. The super will set you up with a new pair, I'm sure. Tu peux faire un jet d'occulte pour Carcosa. Bien sûr. Je l'ai pas de 5. Tu peux mettre un check. So, that's pretty much it. Mm-hmm. You're Brock. On l'a pas rencontré encore, hein? Nope. Daryl, c'est qui déjà? Daryl Brock. Oh, c'est Daryl Brock. Okay. He doesn't live there anymore. He doesn't live there. Of course, he didn't leave any address. Nope, he didn't leave any address. He just upped and vanished and thin air. Of course. Fait que, je sais pas, voulez-vous qu'on arrête là pour ce soir? C'est-tu un bon moment ou vous voulez continuer? Moi, je peux encore continuer une heure. Ouais. Continue encore. Alright. It's up to you. How deep down the rabbit hole do you want to go? As deep as the rabbit hole. Do you want to go through the looking glass? No. Just down the rabbit. Just down the rabbit hole. I'm fine with holes. I'm not too fond of glass. They got me there. Take the blue pill. Girl, oh ouais, non, yeah, je vais prendre des sand rolls all around parce que ça c'est fucked up. Moi je dors. Okay, yeah, not you. Cause well, you'll probably. Est-ce que vous le lendemain matin, allez-vous le dire à Finley? Hey, on a trouvé une autre page. Sinon, je ferai pas faire un roll. Ouais, on est dit. C'est un. Je le rate. Un raté. Ben, si vous le ratez, c'est un. Si vous le ratez pas, c'est zéro. Non, je le rate. Déjà 50, si je commençais à 56. You kind of want to look at that paper. What? The paper you have, you kind of want to look at it. No, I don't. You kind of want to look at it. But I don't. I want to look at it? You kind of want to look at it. You don't have to. Attends, je l'ai dit. C'est-tu la même affaire qu'est-ce qu'il y a sur leur papier? Je sais pas. Ben, je sais pas, t'as pas vu ce qu'il y a sur le papier? Non, c'est vrai, effectivement. Mais t'as-tu une image de la marque que j'ai vue sur le cover? Ouais. Parce que j'ai perdu celle de Sampo, j'aimerais ça l'avoir. Oh ouais, je peux t'en montrer, c'est sûr. Mais ça va te faire faire un autre jet. Non, mais c'est parce qu'il l'a vu, il l'a vu. Je l'ai vu, aussi. C'est laquelle? C'est celle que moi j'ai ou celle que Abe a? Non. Ou est-ce la même? Est-ce la même? Oups. Je fais ce que je me dis après. long the short of time wings break the twin suns? Twin suns? Twin suns. Sink beneath the lake, the shadows lengthen in Carcosa. Mais j'en ai moins. Tu as à combien? Hey bro! Twin sons, man. In Los Carcosa. Twin sons. Saint Benedict the lake. Just freaking creepy. Question. Kenoko local kids show. Does anyone remember this kids show? It was called Kenoko and I must have been. This is a hard chapter. Room. And I guess I kind of want to look at their paper. Hey, it's up to you. I wake up with a fucking hangover. Man, we said surf, là. Something like that. Drugs and booze, là. Drugs, booze, and... Je n'ai pas pris d'accord. And supernatural signs. That's by your hand. Plutôt mystérien, c'est pas... D'ailleurs, je dors d'araignée, puis il y a une araignée avec plein de faces, ici. Penses-tu que c'est elle, la super? Overkill. L'araignée qui prend tout plein de monde en otage. Non, c'est Baby. C'est fait referred as a spider. Hmm? Ah, c'est-tu tout des gars? Non. Il y a des filles aussi? C'est toutes des femmes. C'est des femmes? Ouais. Il y a une photo double. C'est qui la photo? Je sais pas. Il y a un nom dessus. Hey, vous l'avez lu tantôt. On aurait peut-être une flashlight pour lire. William Notman? Non, William Notman. William Notman. Non, on peut faire une recherche sur William Notman? Sure. Let's do that. William Notman. Nothing special pops out. It's just some. C'est genre un solliciteur, là. C'était un. Like comme un notaire, mais. In the olden days. Là, on est le morning, puis on est dans my place, c'est ça? Yep. On est somewhat sleep. Somewhat. Well, moi, je sleep. C'est the four sleeps. I say we try it at night. You go there at night. You talk to people, get in forcefully, look at the signs while in the building. Say, I'm alright, let's just go tits up. Just fuck it. Alright. However you want. We try looking at the signs at the same time. Or show both signs to one person at the same time. I might as well look at it. Sand roll. Ouais, même chose. Ça va être un beau petit sand roll, pis si tu veux pas, tu perds juste un. 1-0. Ça va descendre vite, la santé mentale. Pour aller. Ok, 0. Lucky you. Ouais, mais c'est parce que toi t'as comme vu genre l'original, là. C'est ça l'affaire, là. J'ai vu une copie, là. T'as vu une copie de l'original. Les autres, c'est juste comme des scrolls. En tout cas, du moins, celle-là, c'est un scroll. We haven't seen what the other one is. Might as well look at it. Do you mean you have the one I saw? I don't know. We can confirm like that. This. Yeah, just show it to me. Okay. Freaking nothing, man. What? You're it. J'en mets le papier dans ma poche. Un papier, il y a rien dedans. Ils sont pas vus. Ouais. Ok. That's fucked up, guys. Ok, il y avait-tu rien depuis le début ou il y avait quelque chose à l'origine? Il y avait quelque chose à l'origine et puis il n'y avait rien. Wanna look at it? C'est probablement ce que j'ai regardé tantôt. Yeah, it looked a bit like you traced, but... You're it, like he said. Well, I'm more it. Please. Je le remets dans mon veston. En plus, j'ai lu le... Je l'ai lu, le roi, là, là. You're it. Yeah. But you're still not the tall. C'est comme s'il faisait un autre play, genre. J'ai adoré ta réaction quand t'as regardé le papier et qu'il y avait rien. There's nothing on it, man! That was fucking worth it. Parce qu'il y avait de quoi dessus tantôt, là. Tu l'as switch dans ce pratiquement sans le matin. Laisse-moi le voir. Moi, je fais juste lui passer, puis il me le retend. Puis je la regarde pas. Mais ça, honnêtement, là, le tour de passe-passe valait la peine juste pour ta réaction. Fuck! The fuck? There was something on the floor! C'était du, du genuine confusion. Ça, j'ai adoré ça. Nice. Oh my god. Ok. Bon. Je pense que ça ressemblait à ça, le, ce que t'avais vu, toi, sur le ouais. Top du roi. What did he describe, yeah. You've all seen it now. Or did you? Did you see it? You're not so sure anymore. L'édition a pas dû être... Ça serait malade, je l'ai oublié. Still nothing on it. Okay, so... Dans le Thin Black Octavo volume of the King in Yellow, ça a pas dû être très très vendu, je présume. Sinon, non. On virait fou, genre. On virait fou quand il voit le book, là. Quand il lit, so, you want to go back to the McAllister building? Et moi, je dis qu'on y va vers la fin de la journée. J'en profite, moi, pour me reposer comme il faut. Ok, parfait. Vraiment plus dormir. Toi, tu peux prendre ton willpower. Récupérer mon hangover. Tu te demandes d'or. Je remplis ma flasque. Ok. Getting ready for some serious business, là. Yeah. You know, I mean business. Ok. Je bring mon shotgun, je bring mon handgun. Fuck the assault rifle. Je mets mon armor. Qu'est-ce que mon armor? C'est la fois armor complet. Come on, dude. Full force. C'est ça le concealed. Je mets mon armor, je mets mon armor. C'est pas vraiment une useful one. Probably not. Mais j'amènerai pas de tear gas, ça va servir à rien. Je vais m'encombrer avec des cannes de tear gas pis des master gas. Ouais. Moi, je vais même juste une flashbang. Pis... coupe de munitions, on va le changer. Alright. So you're getting ready for some serious shit. Yes, because books. Apparently. Yeah. Well, it's enough to drive me crazy, so yeah. Okay. Serious shit. C'est bon, parfait. J'amène le suicide vest? No, no. le collapsible baton? Yeah. Okay. Le suicide vest. Ah, c'est ça. Suicide vest. La veste pleine de C4. Oh! Moi, non, je le crier avec le Deadman Switch. Moi, sérieusement, me faire un character, c'est clair que je m'en ferais. Anyways. Une suicide vest? Une suicide vest, là. Hey, tu vas We're gonna fight the horrors! Ok, tu vas juste mettre ta suicide vest, là. Tu vois, si tu meurs, t'exploses, là. Je sais pas. Anyways. Take off the shagot qui te bouffe. Huh! Alright, so you go back to the building. The sun is coming down. It looks, you know, like it always looks. It's just the McAllister building. Yeah, sure. We get in. Mm-hmm. All right. You all go? I suggest we go through to the roof and wait for the sun to go down. See what happens. There's... Must be romantic from up there, yeah. On the second floor, you can hear something bouncing, like a ball or a balloon. Or there's a ball bouncing, definitely. And then something runs after it really fast. dog. And then that's it. Freaking dog, man. Should we investigate? Let's go up. You go to the second floor? Yeah. You're on the second floor. And on est-ce capable de déterminer c'est quel appartement? It looks like it always looks. It's just... Je fais un jet de track. Alright. Je l'ai. There's no dog, no dog traces, no dog hair. There's no balloon traces either. There's, yeah, you don't find a ball. This is looking more and more like it. It's level 6 Spooner Avenue. Spooner Street. Alright. I keep going up. You keep going up? Okay, you're on the third floor. See something? The third floor. Keep going up. Okay, you go up the stairs after the third floor. Okay, you come up to the door for the roof. Open it. Yeah, okay. You go up through the door. And block it. Okay, you're on the fourth floor. Oh, shit. You are... Guys! Oh, something happened? Guys! There's no roof. What? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu dis sur le fourth floor? Non, mais c'est, ça ressemble exactement au deuxième et au troisième étage. Là. C'est t'es au... T'es au... Oh ouais, t'es au quatrième étage. T'es, là, puis... t'es allé sur le toit, puis là, soudainement, c'était dans l'endroit que tu... Il a ouvert la porte pour aller sur le toit, puis il est arrivé au quatrième étage. Ouais. Guys, come on. It's just the fourth floor. I don't see what the big deal is. Follow Finley up the stairs. You go up the stairs. Okay, you're on the fourth floor. You see these stairs qui continuent de monter? Yeah. Ou... They always were there. So F would be. Wait. Je peux-tu essayer genre de listen pour voir si on entend du monde qui est en train de jaser la première scène qu'on a trouvée. Sure, tu peux faire du alertness. I got it. There's a faint music playing in the background. It's not too far. It's probably just muffled because it's behind a door or something. The parlor? Can I say which door? Yeah, it seems to be a little above you. Above me? Yeah. So next floor. Yeah, probably. Les deux vont dans le même corner? Ouais, mais est-ce qu'ils vont avec toi? Ouais, lui, il l'a dit, mais ouais. Lui, il a rien dit. Ben moi, on était où? On était pas au premier étage? Ouais, mais là, est-ce que t'es suivi au... Quatrième ben là, étage. C'est aussi un quatrième étage, je vais y aller les voir. Là. Ok. All right. You're on the fourth floor, then you go on the fifth. Let's go. Okay. Wait. Je suis en train de monter dans les marches, j'ai monté une marche. Je le pied dans les airs. Ouais. Je vais juste cogner à une porte. Quatrième étage. D'accord. Je redescends ma marche. Je sors la skeleton key, j'essaye de débarrer la porte. It doesn't work in the door. Of course it doesn't. Comme vous, j'espère vraiment que ton character dit ça pour de vrai. Là. T'as Johnson qui fait « It doesn't work ». Yeah, of course it doesn't. C'est clair, c'est ça. You know what? People are assholes! OK. Fait que, est-ce que vous continuez à monter? Est-ce qu'avez vous au cinquième étage? Yeah. Puis ça, quand tu connais, ça répondait pas, bien sûr. Non. Just keep going up. They don't want us in the sixth, or maybe they do. Let's go to the sixth. Let's start with the fifth. But we waited. We didn't rush in. I played the fifth. Okay, as you get on the fifth floor, you realize that the surroundings are kind of changing. Comment les choses sont placées, c'est pas exactement comme ça l'était au troisième ou au quatrième. Tu sais, de quoi ça a l'air l'environnement. Avant, c'était comme une espèce de vieux tapis vert. Là, c'est rendu comme du tapis genre comme rouge, un peu style, un petit peu comme le sofa. Il y a le... Velourish. Ouais, non, c'est plus rouge. Il y a des lampes dans les couloirs qui éclairent, qui ont comme des petits abat-jour verts, là, genre à la Tiffany's lamp. Yeah, it looks a little classier than it, you know, than the other floors. Older floor. Too? Yeah, maybe. Hmm. Maybe yes. Maybe. yes. Je cogne à toutes les portes du cinquième étage. Okay. Real subtle. Moi, je le back. Je suis derrière quand tu fais ça. Okay. Well, did you try the handles or you just knock it? J'essaie d'ouvrir les portes si ça répond pas. Ok, il y en a une qui est débarrée. J'ouvre la porte. Ok. La pièce est super bien rangée. Ça a l'air de ce que tu pourrais t'imaginer. Il aurait l'air une chambre d'hôtel, mettons, des années 30 ou 40. Tu sais, comme il y a comme des beaux fauteuils en cuir qui ont l'air super confortables. Il y a genre un desk avec comme un petit pen holder comme doré, puis it looks really classy. That'd be a nice room to stay in. You kind of want to stay in. Of course. You kind of want to look at your paper too. Genre, je dis federal agents. Puis je commence à step in la room. Nope, there's a. Je commence à checker aux alentours de la room, voir s'il y a quelqu'un, y a-t-il des meubles. Oui, mais oui, y a des meubles. C'est bien comme... meublé, c'est moi, je rentre place. Pas, mais je reste dans l'oiseau et je le garde à l'œil. Alright. Je le garde à l'œil puis je check le plus loin que je peux. Il y a pas. Il y a pas vraiment personne. Les lumières sont allumées. Le. Tu sais. It looks like a hotel room from the 40s that's been cleaned. Je ressors en fermant la porte puis je suis genre. Nice place, eh? Hein? Fucking nice place. There's no answer. Il y a pas de réponse. Je regarde le papier. La poignée est débarrée, celle-là aussi. Il y a toujours rien sur ton papier. Là, je te laisse rentrer puis je reste sur le bord de la porte. Bon, je rentre un petit peu. C'est moi qui parle. C'est super délabré. La plupart des meubles sont comme défoncés ou en ruine. Les covers sont crissés à terre. Le miroir de la salle de bain est brisé. Il y a des shards partout par terre. Il y a une partie du lavabo qui était comme en porcelaine qui est cassée. Il y a des vêtements d'hommes, genre des suits, puis tu sais, comme des cravates qui sont juste comme envoyés un petit peu partout. There's a broken bottle of scotch. Il y a un tumbler qui est tombé sur le côté. It's completely ransacked. What? It's a whole freaking mess. Mm-hmm. Okay. Ben, je regarde si il y a quelque chose de particulier. Dans un des placards, il y a une chaise roulante. Vieille chaise roulante? Ouais. Vieille chaise roulante? Non, une vieille chaise roulante, comme, faite comme en bois avec des roues comme en métal. Pareil que celle qui est sur le comptoir de. Laura? Non. Okay. Non. Similaire? Hmm? Similaire? Mais ouais, c'est une chaise roulante. Mais ça date de la même époque. Ouais, ouais. Hein? Like we stepped in the 20s? You do realize something though. There's a window. Mais comme tu sais, les curtains sont tirés là. Ils sont fermés? Ouais. Maybe you wanna, you know. If you're on the floor, that wasn't there. Est-ce que tu vas encore me voir si je m'en vais à la window? Ouais. There's a fucking. You don't have to! Wait. Should I? Let Devereaux do it. Let do that. I'm not a guinea pig. C'est comme votre démineur, là. Hey Devereaux, we got something we want you to see. I'm not your freaking guinea pig, man. Do it yourself. No, seriously. Go look to the looking glass or whatever. La fenêtre est fermée, mais elle donne pas comme sur l'extérieur, elle donne sur un autre pièce, un autre chambre style d'hôtel. Qui celle-là est aussi délabrée? Qui ressemble un petit peu à la première. Est-ce que la window est dans la direction de la première? Non. C'est la pièce à côté. Normalement, elle serait dans la direction de l'extérieur. Oui. Mais là, il y a une autre pièce. Il y a une autre pièce. Il y a une fenêtre qui donne sur une autre pièce. Là, lui, il me dit ça, puis tout de suite. Je repense à toutes les portes cachées que, genre, de tantôt. Ça a pas l'air à la même place, là, mais... Je repense un petit tic. Ouais. Est-ce qu'il y a juste 4 apparts par étage encore? Non, le setting a changé. Maintenant, c'est vraiment juste comme... On dirait que c'est un long couloir avec des portes de chacun des côtés. C'est plus le même setting carré que tantôt. Fait que là, c'est rendu qu'il y a genre 6, 7 apparts, 10 apparts. Ouais, ça continue, là. Fait que théoriquement, on peut se rendre jusqu'à F10. Ouais, mais il faudra aller sur le 6e étage. En théorie, ouais. Sauf que là, on peut checker toutes les autres livres aussi qu'on avait, genre avec des chiffres par rapport. Ouais. On en avait-tu, c'est ça? On en avait? Non? Non, c'est le chef 10. Ça, hein? Ça reste 12, mais ça marchait pas. D'après moi, c'était toujours le 6e, le Parlor, Rose and Butter, Mr. Castain. Man with a briefcase and white shoes. White shoes! C'est vrai, il t'écrit deux fois. Il underline. L'intonation. Watch out! Le parler, apparemment, c'est là que l'action se passe. C'est là qu'il va falloir qu'on step in puis qu'on break in. Comme dans c'est quoi notre place parce qu'on arrive? Est-ce qu'on arrive? Non, c'est pas vrai. On parle de nous autres à mener la deuxième scène dans le parler. Ouais. C'est. Ouais. So parlor? Attends, someone is heard coming up the steps, a loud racket reverberating up and down the staircase. Mark, who is that? Everyone stops to listen. Michelle could be down there. Who is that? Mark steps to the doorway and leans to look down the stairs. Hello, hello, enter FBI agents. Non, ça c'était la première qu'on a eu. Ouais, ouais, exactement. Je parle c'est là qu'on se rend. La deuxième, quand tu parles de nous autres, où est-ce que ça se passe? Ah ouais. You'd like to see them move in, but he's not sure. La première, elle dit scene, puis c'est où ça se passe? The smoking lounge. Smoking lounge. Baby John Thomas. Anyway, Mr. Kessling said that the super is planning something for those agents. Il s'écrit sur ce pain-là? No. I say we go higher up. The super. The super, we got the mic. Let's go try. On a le numéro de son, de la porte de Abigail. Sixth floor. Let's go. F6. Okay. F10. F10. Fait que tu fais juste comme. Fuck this, tu fermes les rideaux là. Fuck this. Okay. Avant de fermer les rideaux, je regarde s'il y a une porte dans la pièce. Bah, pas celle par laquelle t'es rentré. Non, non, non, la pièce. Oh, yeah, sure, there is. Yeah, there's a door. J'en fais pas plus, j'en ferme la porte. Mr. Casting said that we need to keep them away from 6. Alright, fait que vous montez au 6ème. Keep them away from 6. On monte au 6ème, puis on check s'il y a une tête qui check d'en bas au début. Non, il y a une grosse porte en bois, un peu plus massive que les autres, avec genre une belle poignée comme toute dorée, polie. Il y a de la musique qui était probablement ce que... Ouais, c'est ce que Finley avait entendu tantôt, qui a l'air de filtrer par la porte. It sounds like a woman singing in French, maybe, or comme c'est pas super clair. Pis ça, ouais. Alright, it's a large area avec il y a comme plusieurs gros sofas en cuir avec des petites tables basses. The first thing you actually do notice, there's a full bar. Il y a comme un sur le long du mur, il y a plein de bouteilles d'alcool qui sont pas identifiées. Ils sont pas identifiés, mais ils sont là, tu sais. Je veux dire, il y a des verres pour toutes les sortes de drinks, il y a des shakers, there's ice, il y a des petits pots avec genre, tu sais, comme des limes, puis des oranges, puis, you know, stuff to make drinks. Ça sent le cigare dans la pièce. Il y a un petit peu de boucan, tu sais, c'est un petit peu tamisé. Il y a un des murs aussi qui est recouvert avec une super grosse bibliothèque. Il y a comme un gramophone. Il y a un gros gramophone qui est en train de jouer genre un disque de musique française genre les 1720s. Il y a une madame des années folles. Est-ce que y a quelqu'un? On va aller jouer des années folles. Almost. Il y a comme le peu de murs. Il y a les murs, regardez encore. Les murs qui sont pas couverts, ils ont comme du l'espèce de red velvet qui avait comme en tapis, il a l'air d'être comme sur les murs aussi. Les chaises, les armchairs ont l'air fucking confortables. Genre, t'as le goût de faire un scotch, de pogner de quoi, puis de faire genre fuck this, I'm gonna read this book and drink. Il y a un humidor. Un humidor, nice. Un quoi? Un humidor. Un casing où est-ce que tu gardes des cigares à la bonne humidité. There's a big fireplace avec un. There's a fire crackling. C'est le fucking smoking lounge, on s'entend? Looks like a freaking smoking lounge to me. Probably. Dans un des sofas, il y a un dude en pinstripe suit qui est en train de lire un journal, puis de fumer un cigare. Puis comme, quand vous rentrez, il descend son journal brièvement, il fait juste comme. Puis il l'enlève. Est-ce qu'on connaît? À mon zone. Il y a une fille aussi qui est assise, qui est habillée un peu style flapper. Elle est en train de fumer une cigarette dans un cigarette holder. Puis genre, elle a l'air d'écouter la musique. Puis il y a un gros chien qui est comme couché à côté du fireplace, puis qui est juste là, puis qui dort là. This seems like super normal. Yep. Fait que tu dis qu'il y a un gars de fille, c'est ça? Ouais. On les connaît-tu? They don't look familiar, no. Non, ok. Hi there! Le gars descend son journal, puis il est comme. Continue à lire. What is your name, good sir? You mind? I'm just trying to read my paper. Just go make yourself a drink, son, and, you know, just take it easy. Kind of an old guy, huh, bro? Probably in his 40s. Moi, je m'en fous. La fille, elle a juste l'air de not give a fuck. Ben moi, je vais me fixer un drink, mais je bois pas dedans encore. OK. Je me fixe un drink, Ouais, ben tu sais, les alcools sont pas identifiés. Fait que tu sais, comme tu débouches les bouteilles, t'es comme... tu check, t'es comme, ah, ça a l'air d'être, ouh, ça c'est comme du bourbon, alright, ça a l'air pas si. Ouais, y'a pas de trouble là. Yeah, ouais, tu peux te faire un drink. Seriously, dude? It's not the time, goddammit. You mind? I'm trying to read. Just keep it down, okay? If you want to go and have your little girlfriend fight, just go somewhere else. Je prends mon drink, je prends mon... The fuck are you, man? Who are you? Il dépose son paper, il est fâché, il est comme... What's your problem, son? Huh? You got a problem? Yeah, what's your problem, Devereaux? Je vais m'asseoir à côté de lui. Tu t'assois, puis il fait juste comme... Good evening. Evening, sir. Je lève le cigare. C'est un cigare. Shit. Alright. Finley a l'air d'être vraiment à ses aises. Comme. A bit too much. Something's going on. Something's not right. Moi, je défreeze de l'entrée. I think I would watch it. Puis genre, je m'en vais à côté du gros dog à côté du fireplace. Pardon? Moi, je défreeze de l'entrée depuis que tout ça s'est passé. Je m'en vais à côté du gros dog à côté du fireplace. Cool! Genre, je m'accroupis, genre je m'accote sur mes bras sur mes genoux. Puis je regarde le dogs. C'est. Ok. I think we gotta go. Fais-moi intelligence type 5. I think we gotta go. Je l'ai. It's a dog. You're very sure it's a dog. It could be something else. It's probably a dog. Je fais, hey boy. Or a dog looking at animal. Oh, ouais, puis. Finley, Johnson, F10. Il lèche comme il sent ta main, puis il est comme. Wouf. Ok, casual, moi je jase avec le gars, puis je dis, so, what's on the news? Damn. Là, faut que t'en le sors. There was a big heist on the night today. yeah, there's the Void Act is gonna be passed, so we're probably gonna have to throw all of this away. Yeah, you don't. I'm sorry, I'm from out of town. Oh, you're from out of town? Yeah. You don't live in the States? You look very American to me. Well, I don't come from this town. I just kind of happen to wander in and I like this place. And you've never heard of the Void Act? Wow, you have to live under a fucking rock. Pretty much. Yeah, no, he doesn't say fucking. You don't say fucking. No, you have to live under a goddamn rock, son. Well, please enlighten me, good sir. This is not going to be legal at some point in the future, apparently. What do you mean? Il parle de l'alcool. Parle d'alcool et du sang. You're kidding me. Yeah, some, I don't know, you know, women. Puis la fille à côté, elle regarde, elle fait, come on, Mark. Puis il fait juste comme, puis il commence à boire son drink. Prohibition? We have a mark. Prohibition? Oh, this is sad. Well, we might as well profit from it. Hey, cheers. Yeah, I guess so. Puis il cale son drink. Il a l'air relativement friendly quand même. Ouais. Mais il y a un petit edge. Il y a un petit edge par contre. Je me relève du dog. Moi, je suis vraiment friendly, casual avec lui. Tu sais, je veux dire, genre de la fille du beau temps. Je me relève du dog. Puis là, je m'en vais voir la fille. Elle est assise au bar, la fille, ouais. Elle est assise pas loin de deux autres. Là, elle écoute la musique, là, puis elle. Elle stresse de tout. Ouais, un petit peu. Elle a peur. Alright. She doesn't. Yeah. Il y a toujours des portes qui mènent à l'extérieur de... Ouais, il y a l'air d'avoir deux, trois autres portes, là. Oh, ouais, vous pouvez sortir de la pièce. La fille, c'est pas Abigail. On a une photo d'Abigail. She doesn't look like Abigail. Bon, ben, je veux pas aller là. Laura. I'm sorry, c'est... Je préfère qu'on l'appelle Laura. Voilà. Moi, je commence à wonder about, là, s'il veut rester là, regarde. All right, qu'est-ce que tu wonder about? Des portes qui mènent vers l'extérieur. Là, c'est des couloirs comme en bas, là, qui mènent vers des appartements. Yeah, sure, t'ouvres une porte. On est au 6th floor. Ok, je vais te demander un sand roll, s'il te plaît. Pas obligé d'utiliser un bar pour ça. Un quoi? Ah, un bar? Non, c'est ça. Ah, je l'ai pas. Tu l'as pas? Ça va juste être 1. C'était à coup de 1, hein? Ouais. Fait que... Un, fait que... T'ouvres la porte, puis... Dans le fond, tu vois pas la fin du couloir, parce que c'est juste... Ça a juste l'air de comme go on for... Forever. Il y a juste, c'est juste un couloir, puis tu sais, ça finit que c'est comme gros même à l'horizon, puis c'est juste. Yep, there's an unending hallway behind the door. Okay. You wanna go take a walk in it? Ça ressemble à quoi les. You wanna go in the hallway? Tu juste vois. C'est ça que tu vois, ça a l'air d'être. On dirait le même hallway que quand vous étiez à l'autre étage avant. Là. Y a-tu des numéros d'appartement? Hmm? Est-ce que les numéros d'appartement sur les portes? Non. Of course there isn't. I close the door. Okay. That was disturbing. You want to open it again? Say, Mark, was it... Je vais en ouvrir un autre, voir si c'est la même affaire. Say, Mark, was it right? Yeah. Do you know, Who are you? Oh, my name is, Flynn. Flynn, okay, well, nice to meet you, Flynn. That's a very weird name. I'm sorry. No, it's okay. My parents were kind of weird. Okay, are you, like, from the old country? Something like that, yeah. Yeah, yeah. They're not gypsies, are they? No. I don't really like gypsies. Don't worry. All American. I'm sorry for saying that. Yeah, they're almost as bad as niggers, but you know. You can't have everything. I get that. By any chance, would you know a girl named Abigail? Her name is Laura. Yeah. Well, she's a friend. She's a friend of mine. You mean Gail? Yeah, she's a really sweet kid. Yeah? Yeah. I heard she moved in this place. I think she's on the... I think she might be on the sixth floor. I think she's on the sixth floor. Yeah, she moved in with that... But, sir, isn't this the sixth floor? No, this is the fifth floor. This is the smoking lounge. This is the fifth floor? Yeah. Interesting. You were expecting anything else? I must have miscounted when I did... That's fine. It happens. She's a... I mean, she lives with that creep of a salesman. I mean, he's... I guess he's an okay guy. It's just... I don't know. He gives me the willies. Who is he? He's I think he sells encyclopedias or Bibles. He sells books. He's just... He goes around town selling his books, peddling his ware, you know, whatever. These guys. So she's up one floor, right? She's on the sixth floor. I just might pay her a visit. Thank you. Yeah, sure thing. No problem. Après, pendant que lui fume, moi, puis, je m'en vais du Devereaux, puis je lui dis, comment d'aller, let's go to the sixth floor. Well, this guy is obviously fucking lazing around here. This was the sixth floor. Who cares? Yeah, I know. Who cares, buddy? Let's just go up one more floor. And then try another floor, and another floor again, and another floor. An infinity? I'm sorry, Mark, again. Are we allowed to smoke outside of the smoking lounge? Yeah, why not? Thanks. This is the 20s, of course. You can smoke anywhere. You can even beat women, and it's okay. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je vais me présenter rapidement à la fille là, avant de partir. Est-ce que c'est... Hi, miss. I'm new to this place. You're a charming young lady. He's faster. What are you drinking? She just turns her head. I'm not pretty enough. Mais je regarde ça de loin. Moi, je suis en train de me diriger vers les escaliers. All right. That's it. You want to go vers le dog, voir s'il a réagi depuis que j'ai regardé. Non, il se lève la tête. Bark. Je fais genre... Je tape ma cuisse puis je fais genre, come on, boy. Juste voir s'il réagit. Il se recouche, là. Il est juste comme... Juste Saint-Bernard. You're a jackass, I don't know. Alright. Je regarde les boys, voir s'ils bougent, puis là, je suis comme genre... Ben, moi, quand il me fait un signe de tête, je fais comme... J'ai mis mon petit drink. Puis, en passant, là, comme... C'est clair que pour t'asseoir avec ton shotgun, il a fallu que tu le places comme sur tes cuisses, là. Il y a absolument personne qui a réagi, là. Non pas. C'est pas en full tactical view. Moi, j'ai avec moi aussi. J'ai quelques gants disposable. Fait que quand tu gardes ton cigare, puis tu déposes ton drink, puis tu continues à monter. J'imagine le cigare, il est bon. Oh, ouais, il est super nice. It's a Cuban. Non, I keep smoking it. Parfait, t'as pas de problème. You can. On va te sentir le damn. Bon, fait que je lead the way up to the sixth floor. Mon cigare, please. All right. On va arriver au fifth floor encore. Bourbon, c'est pas du bourbon aged 20 years or something like that. Right? No? Oui? Probably, yeah. Pas du scotch, c'est du bourbon. It's more American. OK, fait que ben vous montez à un autre étage, vous montez l'escalier, vous arrivez, puis comme d'habitude, c'est tout le temps le même setting. T'as un escalier qui monte, puis à chaque étage, t'as une porte. You open the door to the sixth, seventh, whatever floor. Sixth floor. De 6/7. Ok. Parce qu'il faut que ce soit un floor plan de même ou sinon, parce que ça faisait pas de sens. Là, it doesn't look like that. It looks like the floor you were on before. Qui est juste comme un hallway. Puis tu peux voir qu'après quelques mètres, ça tourne. À l'infini, c'est pas à l'infini. Non, non, quand pas même. À l'infini, non. Ça tourne. Ouais, ça tourne. Les apparts, tu as écrit F quelque chose? Non, il n'y a pas de numéro sur les portes. Je suppose que tu guess where you're going? Je fais juste genre. Un, je me rappelle du floor plan un peu de l'autre, puis je fais genre 1, 2, 3, ça tourne jusqu'à 10. Il y a 3 portes de chaque côté. Donc il y a 6 apparts, fait que là, on tourne. Ouais, vous tournez. C'est. What's your marching order? Moi je suis en premier parce que j'étais genre en train de compter. Ah non, je ferme la marche, tu sais. Ok. Je suis laissé en arrière avec mon cigare. Ok, parfait. Ok, je vais te demander. Toi, un alertness. Qui est le dernier. C'est là. Juste comme vous arrivez pour tourner, il y a une silhouette dans la porte où est-ce que vous étiez, tu sais, qu'en fond, qui est dans la cage d'escalier, qui a l'air de vous voir, puis là, qui fait comme whoop, puis qui redescend, qui comme qui retreat. Là. Une silhouette. Je retourne, puis je pars après, ok. Juste comme lui, il se tasse, toi, tu remarques que par terre, juste devant toi, tu manques de piler dessus, mais finalement, non. Il y a un. It looks like a goldfish. Just comme par terre, il y a un goldfish. Like flicking. No, there's just it looks like a goldfish. Alive or dead? It's not moving. Dead. Je le contourne. Je step around. Genre, je regarde autour, voir si genre il y a pas de flaque. Genre. Non, il y a juste there's a goldfish. En me retournant, je dis guys, there's someone there. On est young, already on your way. Fait qu'il finit, il pousse, puis toi t'as un goldfish par terre. Ok. What do you think about that, Foster Buddy Devereaux? J'arrive à tout ce repas. Fuck, man, I don't know. Should we go back after the buddy or keep going counting doors? Le gars est en train de courir, mais should we follow the guy or. I don't know, maybe keep going on. There's a golden fish there! There's a goldfish on the ground! Let's just go back up it's our way more interesting than a guy running away. Come on, let's go back up our buddy. Le gars, il montait ou il descendait? C'est. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire. Fait que. Eux autres sont en train de s'ostiner. T'arrives dans la cage d'escalier. Are you going up or are you going down? Je peux-tu faire un listen check? Yeah, sure. Crit. Il y a absolument aucun bruit. S'il y avait quelqu'un, he's either standing very fucking still, or there was no one. And you're just fucking losing your marbles. That's a distinct possibility. Est-ce que ça te fait de la lumière avec toi? Fais-moi un jet d'intelligence times 5. Got it. It looks like someone you had already seen. Was it Gonzo? Or Gonzalez, maybe? Gonzalez? Yeah, you're Gonzo? Yeah. It kind of looked like him. What? Okay. What? Gonzalez? Gonzalez, c'était moi. C'était son, Hey, Holmes! Oh boy! Damn. Okay, I'm severely creeped out. Nice. Okay. You're not. It probably wasn't him. It just. Kind of look like, well, maybe not. Maybe. Do you need a shot again? No, but j'arrive à eux, j'ai comme l'air confus. You need a shot again. You look kind of this. You look like that. You look weird. Here, have a shot. Just let me do it. What? You need that ham? You sure you need that ham? Fait que le goldfish, you just leave it there. Let's give a shot to the fish. Ben, en fait, au pire. Je fais un medical examination plastique. Mm-hmm. Je mets mon gant de plastique. Oh, je pogne le goldfish. Hey, j'avais fait ça pour je un vire le gant de plastique. It's actually it looks like a goldfish. It's an extremely well done sculpture of a goldfish. And it's actually made out of it looks like solid gold. Holy shit, a golden goldfish. It's actually a goldfish. A gold goldfish. Pun intended, motherfuckers. It's a goldfish. Pun intended, motherfuckers. Oh, wow. That's just je referme le gant de plastique, je le ferme, puis je mets le goldfish. Must be worth at least $1,000. All right. Il a trouvé. Je l'avais dans ma veste. On comptait les portes là pour se rendre à 10. Ouais, on était parti pour ça. So pour let's ça. Keep going. C'est juste un guess qu'on fait. Mais attends un petit peu. C'était. Ça marchait dans le sens. Tac. Ouais, c'est pour ça que je suis. C'est juste 3. C'est 7 portes par là. Ben ouais, c'est ça que je t'en ai compté moi. Ouais. Juste me voir qu'on okay. Fait que là, vous tournez le hallway. Là. On tourne le hallway. Maybe 30-40 meters down. Well, no. 30-40 feet. Sorry. Down the hallway. It looks like there's a. Yeah, there's a little girl just standing in the hallway. Bon, avec une petite dress. Là. On voit ça dès qu'on tourne. Right? Ouais. Okay. She's just standing there. C'est pas des twins qui sont en train de venir vers nous autres avec des. Come on and play! Does she say that? No, she doesn't say anything. She doesn't move. She's not. That would have scared me. Hello, little girl. What are you doing there? She continues to count the doors. She starts to sing. Comme genre une petite comptine. Comme à. Mais il n'y a pas de mots, c'est juste comme. Sound. Yo ho, yo ho. Mm-hmm. Yeah, she's singing. Yoko Ono? Là, un moment donné, j'arrête d'avancer puis je vais juste compter les portes, voir si Edith arriverait vis-à-vis la petite fille. Un petit peu plus loin qu'elle. Un petit peu plus loin. Mais le couloir a l'air de tourner encore vers comme vers la est-ce qu'Edith a l'air d'être plus loin que le tronc en tour? Oui. Elle a-tu les yeux dilatés, genre? Puis, à la distance que t'es, tu peux pas checker ses pieds. Ben, on se rapproche. Là, on se rapproche. Ouais. Là, le plus vous approchez, le plus lentement elle chante. Puis comme sa voix devient de plus en plus comme grave. Là. Ouais. J'ai l'air maman. It's not ticking. Oh. My watch has stopped. Yeah, the batteries are probably dead. I mean, it happens. It never happens. It never happens. Qu'est-ce qu'il y a si on get faster, puis le temps ralentit? Ben, vous êtes arrivé à elle, puis quand vous arrivez à son niveau, ben, elle chante plus du tout, là. Elle est juste comme figée, là. Son regard, son expression faciale, ça ressemble à quoi? I'm gonna ask for... Yeah, sand rolls, I think. Sand rolls! Let's lose some sand. Oh! Je l'ai juste! C'est 1. Si vous l'avez, c'est 1. Moi, je regarde même pas ça. C'est 1 des 3. God damn it! Moi, je regarde même pas ça. Je suis rendu à 10, là, ça. Je regarde même pas la petite fille. Je check les c'est un automaton. C'est un clockwork puppet. Là. Yo! Moi, je check même pas l'automaton. Mais... On s'en est jamais rendu compte de loin? Non. Puis elle est lifelike, là. Mais quand tu regardes de près, tu peux voir qu'il y a comme il y a des petits seams, il y a des petits gears. Il y a un trou dans son dos pour comme la remonter. La craquer, puis, mais elle a l'air d'un child, là. Ça a vraiment l'air d'un... Mais non, it's a giant automaton puppet. Alright. That is very messed up. Laisse moi escalader. On continue d'avancer. Je continue contre les doors. You sure you don't want to like touch it or anything? I'm good. No, we're good. You don't want to poke it? T'as commencé à chanter quand on avance. Oh, idée. I have a stick. Ah, tu sors ton bâton puis t'as poke avec. What? No. You sure? I got better things to do. You want to poke the creepy girl automaton? No. Yeah, I know. I once died with a telephone. Good times. Yeah, good times. All right. Okay, then we go to the seventh door. God, that's crazy. That door. All right, is that bad? Tenth door. There was a clear sound coming through the door. There's the sound of music. I guess you could say very vigorous lovemaking. Yeah, exactly what we wanted to hear. Oh, this is awkward. Should we wait? Just wait until they're done. The least we can do. It could be a while. the vigorous sound of lovemaking. Stop. Là, je dis de voix... Tac. Là, je dis de voix claire... Feral Agents, open up! Nope, there's nothing. J'essaie d'ouvrir la porte. Hey! We're probably somewhere else. I knock it open. Ah ouais, let's go. T'as combien de strength? Je me tasse. 18 de strength. 18 times 5 pour kick the door 90%. J'adore que c'est. T'as Johnson qui est comme knock, knock, knock, knock, federal agent, ça ouvre pas. Puis il fait juste, il regarde Finley, puis il se tasse. Je kick the fucking door open. Tu l'as eu? Oh, salut. Ah ouais, parfait. Bon, ben oui, la porte, elle vole en éclat. Puis. Le but, c'était pas de la voler en éclat. Non, mais elle ouvre en éclat. C'est un miroir, finalement. La porte, tom, tom. La porte est vraiment pressée de s'ouvrir. Là. That's what I want. Wait, there was I. Ah, yeah, there we go. Et, évidemment, je la kick, puis tout de suite après avoir kické. Ok, tout ce qu'il y a dans la pièce, c'est une single pièce avec un lit qui est poussé contre le mur. Comme tu sais, quand la porte s'ouvre, la première chose que tu vois, c'est le lit comme, qui te fait face. Il y a. There doesn't seem to be anyone in the room. Miroir? Non, il n'y a pas de miroir. Okay. Non, par contre, il y a plein. Le lit et une partie du sol est couvert de sang qui a l'air d'avoir séché depuis quand même longtemps. Puis quelqu'un avec probablement ce qui est du sang a écrit sur le mur Where's my bottle? Where's my bottle? Yes. I take a big toe. Okay, so, yeah. You guys want to roll sign for that one too? It's a 0-1. C'est un 0-1. Je l'ai pas. Nope. Ah, bah, théoriquement, j'en ai, ouais. La personne là, c'est 1. Toi, tu l'as? Ben, j'ai 46, théoriquement. Hein. 46, fait que tu you pass? Ben, je l'ai. Tu l'as? Ok, c'est bon. Pas besoin. Tu peux te mettre un check dans la case qui dit violence dans Insanity. Hein? Violence. Ça fait quoi les checks comme ça? You'll see eventually. Of sand loss without going insane. Ok, ça me. Je deviens blasé. Ouais. I become jaded. Ouais. Éventuellement. Okay, which is a good and a bad. I'm gonna punch you in the face, man. Ok, yeah, there's a. There's no one. No one? No, there's nothing. No, nothing? No, nothing. There's nothing else than this in this room? It doesn't seem like it. No lovemaking anymore? Wait. In the hallway, there's a. There's a really fat man running away. Naked? No, there's just a fat man running away. I sprint after him. You sprint after the fat man? You wanna... I'm gonna tackle the fat man. Il a très apeuré, là. Très apeuré? Ouais. I sprint after him, and I'm gonna tackle him. Right, go ahead. And he's less afraid of you than... Déjà lancé. Moi, je regarde de l'autre côté. Strength? Time to fight. Moi, je vais dans le couloir, je regarde de l'autre côté, de où ce qui aurait, voir s'il y a quelqu'un, quelque chose qui me suit. Là, ok. Fait que... Juste comme t'arrives pour, dans le fond, pour le. Tu sais, t'as pratiquement la main dessus. Tu sais, il ouvre une porte parce qu'il courait vers une chambre, là, whatever. Puis il rentre dedans. Puis je vais te demander un Dex times 5. Oh, tabarnak. Y a-t-il quelqu'un qui suivait Finley? Moi. Ok, je vais te demander un Dex times 5. Moi, je regardais de l'autre côté dans le couloir. J'en viens à tout ce qu'on parle. Je l'ai. Tu l'as. OK. Good. Juste comme t'arrives pour mettre la main sur le fat man, il fait juste comme tomber par en avant. Puis toi, t'arrives pour tomber après le fat man because you wanted to catch him. And someone catches you by your jacket or whatever because you would have probably fallen to your death. C'est une cage d'ascenseur. Holy duck! Fait que c'est juste, t'es comme au bord, t'es comme. Oh! Puis le fat man est tombé. Ouais, le fat man fait juste comme. Puis il disparaît dans le. Dans la noirceur. He just disappears, là. En tombant. Pas longtemps. Il y a pas de hit, là. Oui, l'as-tu vu le fat man? Non. Oh, ok! Now I get it! You getting crazy? Now you're getting it? So there's that. Fait que toi, tu disais que tu checkais de l'autre côté. Ouais. But what happened there? There was a fat man that just jumped down there. Ok, tu regardes le tournant d'où est-ce que vous arriviez. Il n'y a plus la sphère et puis là. Mais par contre, debout juste à côté de toi, there's a daintily dressed. D'accord, je peux dire. There's an Asian man or maybe Chinese or whatever. Il y a genre comme un petit nœud papillon avec une petite veste. Il est comme habillé en serveur, tu sais, puis il tient comme un tray. Il apparaît à côté de moi. Il est juste comme tu tournes le coin puis il est juste là. Puis là il y a son tray avec comme des hors d'œuvre. Puis il a l'air super chill là. Il est juste là avec des hors d'œuvre puis il t'en offre là. Well, thank you, I guess. All right. How long you been there? Puis il fait juste comme... Puis il fait juste commencer à s'en aller, là. Je regarde leur gueule. Nous autres, on le voit-tu, là? Oh, ouais. Ben, hey, what up? Tu vois lui qui regarde, tu sais, qui a l'air de parler à quelqu'un. Ah, mais on voit rien, nous autres. Non, mais c'est parce que, dans le fond, c'est un couloir, comme mettons, en L, comme ça, vous autres, vous êtes ici. Devereux, il est là, puis comme... Tu vois, il parle. Ouais, là, mais il a l'air d'avoir comme un... On dirait comme un gâteau ou comme un biscuit dans sa main. Yeah! Il ça a l'air un peu gélatineux, en fait. Mais... OK. You look at it? I look at it. Y a-t-il une bestiole dedans en gélatine? Yeah, there's a tiny... It looks like a tiny yellow golden worm in it. Dans le petit cube de gélatine. Gold. Puis là, tu le regardes, puis là, ça fait genre... Ça gigote un petit peu. Oh my God! Est-ce que je compte... Sérieusement, là, tu l'aurais mangé sans avoir checké, je t'aurais fait un sand roll. Ça aurait clairement bougé dans ta bouche. Là. Oh, bon. Too bad you didn't. Bigger, aussi. Yeah. Someone want to try it? Looks good. I'm okay. Have you tried the front... Moi, j'essaie la porte en face de l'appartement, à moins qu'il l'ait déjà fait. Non. Mais, tu le sais? J'essaie. OK. Je cogne à la porte. C'est ça, on n'a pas de réponse. Je dis, Federal Agents, open up. J'essaie d'ouvrir la porte. Ah, c'est débarré. J'ouvre la porte. C'est encore une pièce, juste comme cubique, si tu veux. Toutes les murs sont bare, sauf au fond de la pièce, il y a une petite photo noir et blanc encadrée, juste comme en plein milieu du mur. Mm-hmm. Fait very the ring, ça. Je laisse le bord de la porte. Ok. Moi, j'avance, je m'approche de la photo. Ouais, tu s'approches de la photo? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ok. It's like your soul, you're dead. C'est une photo de quelqu'un qui est habillé style années 20-30 qui tient une. Ben, ça a l'air d'être une bouteille, mais la forme est un peu comme. Un peu weird, là, comme elle curve vers le côté, puis comme elle a l'air ronde en haut, puis carré en bas. Ça a l'air d'être comme une bouteille d'alcool normale, avec un cork dessus. Puis dans le fond, la face de la personne, c'est juste comme elle est toute blurry, comme si elle avait bougé pendant la photo. Et mais juste la face, le reste est... Yeah, that's pretty much it. C'est un homme ou une femme? Ah, c'est un homme. Est-ce qu'il t'habille en noir? C'est un homme qui tient une bouteille weird, ouais. Sa face est blurry. Ouais. Il est tout habillé en noir. Okay. Non, il t'habille en soute, là, ben normal, là. Puis, le style, ça a l'air genre années 20. Ouais, l'air d'une photo. OK. Puis c'est juste ça qu'il y a dans la pièce. Ouais, il y a juste un cadre avec cette photo-là. What the fuck? Tu pick up la cadre? Alright, t'as un cadre avec une photo. I open up the card, j'enlève la photo. Ouais, ok. Y'a de quoi écrit en arrière? Ah. Did you want to read it? Yes, I do! Ok, it says... actually, I'll just... Act 3. No, it says... It says, it is a fearful thing to fall into the hands of a living god. Nice. Ouais. Fait que t'as checké derrière la photo? Ouais. C'est ta face sur la photo quand tu le retournes. Nice. je vais te demander un sad roll, s'il te plaît. Et je l'ai tellement pas. Ok, ça va juste être un. Because you've seen really scary shit. This, you were kind of expecting it. You were just like, don't do this. Oh, god damn it. Nice. Oh, god. Sweet, Jesus. Whoa, there's something wriggling in your pocket. Oh, shit. Je ressors le gant. Tu ressors ton gant, le gant il est comme... Je vais juste le tenir dans mon autre main, voir si ça sonne, si ça feel comme un goldfish qui est vivant, genre. Ben, ça feel comme quelque chose qui est vivant, là. Oh, ouais. Okay. What the hell? Donc, guys, you wanna look at something weird? Not so sure. Well, we have enough of weird stuff right here, là. Je sors du... Je plie la photo, gold. Je la mets dans ma poche. Parfait. Je me tasse. Je mets la photo. Moi, j'ai mon canapé, lui. Tout le monde a un item comme... What the fuck, man? Et je continue à fumer mon cigare. Je me tasse de la porte. Je vais dans le milieu du couloir. Puis genre, je empty le gant. Oh, et déjà, il y a comme... Flop. Il y a un goldfish puis qui te regarde avec son gros œil. Puis sa bouche, il est comme... Puis il flop. Puis c'est juste un poisson rouge. Ouais, c'est un poisson rouge super normal, là. Puis il est rouge. Oh, ouais, c'est un poisson rouge. Qui est vivant. Qui essaie de respirer. Là. Il est comme. Il va vraiment mourir dans le What the fuck is going on? Je le laisse à terre. Well, okay. We're pretty much in a fucked up place, so pretty much whatever is happening is pretty normal right now. The only solution for that kind of problem was burn the place down before, so should we do the same thing again? Well, Can you burn something that isn't? If you remember. Yeah. That's the only thing that we know what to do. If well, we can get we out, could if always we go can back get to the out, smoking I can go lounge. Back to my place and get a C4. Let's see. Oh, well, we can always go back to the smoking lounge and ask one of the people there. Il y a des portes dans le couloir qui s'ouvrent. Il y a deux gars en comment. Genre en trench coat puis en comment fedora qui arrivent dans le couloir. Fedora? Puis qui sont comme. Ils sont juste dans le couloir puis ils vous voient puis ils sont comme Hey! Hey, you there! Have you seen Marshall? I'm sorry, but I haven't. Should I? You guinea. I know you know where Marshall is. Hey, boss, I think we found the guys. Puis là, il y a un autre gars qui arrive dans le couloir. Je commence tranquillement à mettre ma main vers mon Uzi, genre. Okay. C'est freaking gangsters, genre. Les années 20, là. All right. Je mets mon cigare dans ma bouche, puis avec l'autre main, je m'en vais proche du château. You're reaching for a gun? Ben, all right, fait que je vais demander à les niveaux de dex de tout le monde. Niveau de dex? T'es ouais. Trop pas subtil avec ton gros cigare pis ton reach for the shotgun. Whatever. Where's my notepad? It's all fun and games, eh? It's still something nice. Yeah, là, c'est clair qu'il y a une autre qui va donner. Gotta be, okay, fait que... Okay, this is how combat works. Okay, on y va par ordre de dex. Fait que toi, t'as combien? 12. 12? On est dans un corridor en plus. Mais on est sur le bord d'une porte. Oh, ouais, on il y a des portes à l'entour. Il y a des. Vous êtes. Moi, je suis dans le milieu du couloir. Puis ils sont à combien de portes, les autres? Ils sont à une quinzaine de mètres. Combien de portes? Combien de portes? Deux portes. Deux portes, mais... Ils sont sortis d'une des portes. Ouais, parce que je veux dire, c'est que nous autres, en ce moment, on est en face de la chambre où est-ce qu'il y a le sexe, puis il y a l'autre pièce où est-ce qu'il y a ma photo. Ouais. Puis là, il y a comme une porte, puis là, c'est eux autres. Ouais. Ils sortent cette porte-là ou cette porte-là? Ils sortent à droite. Ils sortent à droite, oui. OK, fait qu'on disait Johnson, il est à 12. Mm-hmm. Devereux est à combien de dex? 14. Oh! 14, parfait. 11. OK. Comment ça fonctionne if combat starts and you don't have a weapon ready, you can ready it as a free action, sauf que tu commences à la ton tour, c'est la moitié de ton dex. Fait que maintenant que t'as 14 et que t'as pas de gun, tu vas avoir ton gun sorti comme au 7e. OK? Au 7e? Oh ouais, dans le sens que, gars, mettons que c'est toi qui aurais le plus de speed. 14, 13, 12, quand t'es arrivé au 7e, comme dans là, les ton rounds gun de serait prêt. Okay. Y a ça. Sinon, tu peux essayer de quick draw. Si tu réussis c'est un jet de dex. Si tu le réussis, t'as ton gun comme gratos au moment. Mais si tu réussis pas, c'est que tu passes ton tour au complet. Tu jiggles avec ton gun. There's that. Puis dans le fond, c'est que à chaque fois que c'est votre tour d'agir, il y a différentes actions que vous pouvez faire. You can aim, which gives you a bonus to hit. You can attack. You can do a called shot. Called shot, c'est quand tu veux viser une partie du corps en particulier. Mm-hmm. En unarmed, tu peux faire un disarm si t'es assez proche. You can actively dodge. You can fight back. Si quelqu'un t'attaque en unarmed combat, tu peux automatiquement répliquer contre. You can move. You can pin or grapple, whatever. Mm-hmm. Or you can wait. Those are... Or whatever else you want. Wait. Mm-hmm. Wait for it. Exact. So I'm pretty much gonna be last. Mais là, bref, les autres ils sortent des guns puis ils commencent à nous attaquer. Genre. Ben là, c'est où combat is gonna start. Combat is gonna start. À cause de shit's fucking... gonna hit the fan. Ah ouais. Ça va durer deux rounds. On va juste mourir, c'est comme un film de Tarantino. We're all gonna die. Romance, là. Avec genre des fucking genre plumes de duvet qui revolent partout. Ok, fait que y a trois gangsters, y en a deux Il y en a deux qui ont comme des long coats, puis l'autre qui a l'air d'être un petit peu habillé plus fancy. Qui est le boss. Qui est probablement le boss. I'm the boss. Puis non, Finley sera pas le dernier à agir, by the way. Parce qu'ils ont toutes la même dex. Ils ont toutes la même dex parce que ça me faisait chier de faire trois characters, ils ont toutes les mêmes stats. ils vont agir en dernier, en fait. Est-ce qu'on fait bouger et attaquer? Oui. Fait qu'en premier, c'est Devro. Une mécanique tout de suite que je vais vous dire, c'est que si vous passez un tour à move, vous pouvez avoir du cover. Mettons, genre dans un cadre de porte ou whatever. You don't want to be caught in the out. T'sais, comme un vrai firefight, la première chose que tu es supposé faire, c'est find cover, because bullets go really fast and kill. That's pretty much what I'm gonna do right quand now. Quand t'as du cover, quand t'as du hard cover, t'es automatiquement protégé contre du kill damage. La porte ouvre à l'intérieur, non? Ouais. Fait que toi, la porte la plus proche de la qualité. C'est celle où est ma photo. Ben, c'est celle où est-ce qu'est la photo. Fait que c'est ça. Moi, je peux pas duck sur le corner? Oui, tu peux duck sur le corner si tu veux. Ok, ben ça, je vais faire en bas. Ils ont toutes l'air de reach pour des weapons. Puis les gars en côte ont l'air d'avoir des long arms. Sur ta quelle distance de moi, à peu près? Une vingtaine de mètres, mettons. Une quinzaine de mètres. Est-ce que dans ce tour-ci, j'aurais le temps de shot une salve en me déplaçant à la porte opposée de là? Oui. Parce que cette porte-là aussi, on l'avait ouverte. Oui, c'est est-ce que tu. You actually want to hit or you just want to. Non, mais si je fais un burst. Genre. Tu veux juste faire un burst? Oh, ouais, un burst de genre. C'est quoi? C'est 5, 10, 15? 5, 10, 20? Genre. 5, 10, 20. En un round, un burst de 20. De 10. En un round, tu serais physiquement capable de te rendre littéralement dans la face des gars. Là. Mais ça, c'est tu fais juste courir, ouais. Hein? Oh, ouais. Tu pourrais les spray to dust avec un shotgun. Fait que moi je duck en the corner pis je tente de faire un quick draw avec mon heavy pistol. Alright, vas-y. Donc je suis encore dans le milieu du couloir. Fuck it, Eustace. Un quick draw, man. Ah, ben, c'est pas comme si je l'ai tiré. Ça peut vous aider. C'est pas. C'est quoi, c'est dex 60? Dex times 5, ouais. Oh, je l'ai. Yeah, c'est vraiment genre. Bon, il y a genre un 45 là. Les autres n'ont jamais vu des guns de même en plus. Toi, pis le. Non. Le couloir est en forme de L. Le couloir est en forme de L. Dans le fond, les gars sont ici. Dans le fond, t'as Finley pis Johnson qui sont là, pis t'as Devro qui est ici. T'as l'autre bout. Oh shit, c'est vrai, ils sont sortis en deux. Oh, ah, ouais. C'est ça, on les a pinced. Fait que. Pincer. Fait que, t'as-tu eu ton. Oh, ouais, je l'ai. Ok, fait que. Ben, toi, tu prends du cover l'autre côté du mur, pis. Puis tu t'en shot in shot ou. Yeah, sure, you can use your action. Je vais aller vers le disabling shot là, j'essaie de tirer dans le nid donc je fais un. C'est un call shot, un call shot. Ça va être ça. Moins 20% ton skill. Moins il. J'ai juste 50 là, ça va aller mal. J'ai essayé de donner 4. Oh, je l'ai quand même, esti! Ouais, ben t'en shoot un dans le genou là, pis. Ouais, là il tombe comme un petit dommage quand même. Ouais, tu vas le roll damage. Arc 2. Ben, c'est un D12, c'est come on. C'est quand même 2 dégâts dans le genou, man. J'aurais dû pas donner un autre D, c'est-tu. Ok, fait quoi? Ben le gars il tombe comme à semi à genoux par terre, pis il échappe le weapon qui tenait en dessous de son coat. Fell Religions! Give up now! C'est un shotgun. Oh. Il a échappé son shotgun. Ça, je les intimide pas avec mon Federal Agent. They give no fucks. Alright, c'est à Johnson. Ok, ben Johnson va tirer un burst de 10 balles en se mettant à cover. Notre gun, on considère qu'il est ready. Ben, il faut que tu. Ouais, ben, moi, je te l'avais dit que je commençais à reach discrètement vers mon Uzi. Faut que tu dégaines quand même. Que tu sortes de ton jacket pis tout, là. Ah, ok. Il peut rester jammé dedans. Tu veux-tu faire un quick draw ou tu veux? Ben non, je me déplace. Dans le fond, je me déplace en dégainant mon Uzi puis je me positionne dans le cadre de porte. Ok, parfait. Je me prépare à genre faire des bursts. Ok. Fait que dans le fond, tu vas pouvoir attaquer au 6. J'aurais pas du bord. Finley, what does Finley do? Je fais la même chose. C'est la même chose? Alright. T'étais pas déjà dans le cadre de porte? You both have hard covers. Ben, and... je m'arrange, je me mets dans le cover puis je dégaine mon. Fait que vous autres, vous êtes comme chacun un en face de l'autre, dans le fond. Vous avez chacun, vous êtes juste splitté de même. Exact. Ok, parfait. On se regarde, puis genre, on les empêche en esti, là. Mais là, j'en ai déjà disable 1, moi, ça veut dire. Ok, fait que dans le fond, le gars qui a échappé son shotgun, il est juste comme, il essaie d'aller rechercher son shotgun avec une main sur son genou pendant que bah, c'est pas super cool de se faire tirer dans le genou. Personne n'aime ça. Non, il doesn't know. He's not really enjoying it. Je l'ai pas pogné dans le kneecap, je l'ai pogné derrière. Ça dépend dans quel contexte. Ça va m'en prendre des genoux aussi. Ah, je l'ai pogné derrière le genou. Ouais. Ou pas en nickel. L'autre gars qui avait un coat, il swing de quoi que vous avez déjà vu plusieurs fois dans des films, but never in real life. Because you never expected it. And you're not really happy of seeing it in real life. Thompson! Yes, it is a Thompson submachine gun. Donc. Jam. Classique. C'était pas si fréquent que ça. Hein? Ok, non, fait que lui, il va dépenser 20 balles, il va faire un full burst. Oh, 20 balles! Ben, c'est parce que dans le fond, il fait juste ça dans le tuyau. Ok, lui aussi. Flowers. Dans quelle direction? Dans leur direction, hein? Oh, actually, yeah, it actually does work. Sorry. Ok, so yeah, that's a lot of bullets. Everywhere. We're undercover. Everywhere? Ben, pas juste dans l'autre direction. Oh, oui, dans l'autre direction. Tu sais, il y en a okay. En le cadre de porte, il y a des bouts qui arrachent. Let's go, là. Jesus. Fait que là, vous autres, vous êtes derrière du. Thick wall. Thick wall, vous avez du body armor on? Moi, j'ai mon body armor. Ouais. Toi, non. Ok. Non, j'ai pas. Mais j'ai aussi une porte en plus. Ouais. Fait que dans le fond, toi, ça te fait 3 de damage. Toi, ça te fait 0. À cause de mon body armor. Ouais, ça serait 13 en fait. Mais c'est 3 de body armor, puis 3 j'ai même pas de body 10 de mur. Fouf. Qu'est-ce que tu dis? Le cover est extrêmement utile dans ce jeu-là. Ah, c'est important, effectivement. Fait que ouais, il y a des. You're being shot at with a 100-year-old gun. Cool. And it's super effective. Ça dans le temps. Puis c'est très loud. It's super effective. Y a-tu du monde qui sort? Ouais. Non, fait que là, lui, il fait ça. L'autre gars qui est habillé plus dapper, lui, il a un handgun, il a un revolver, puis il tire dans ta direction. We'll see if it hits. He doesn't. He actually critically fumbles. Fait que c'est juste comme gun, yeah. Clic! Ah, c'est genre un dud round. Dommage. Fait que là, il switch de... C'est plus drôle qu'il slip pis qu'il shoot le gars à côté de lui. Ça, okay. Fait que là, maintenant, vos guns sont prêts, fait que Johnson can actually fire. You're gonna... Johnson, il fait une salve de 20 balles. Ouais, tu fais juste stick le MAC-10 dans le couloir pis tu... En fait, c'est que je regarde la peine pis je fais genre... Alright. Tu remets dans ma direction à moi, là, c'est pas grave. Roule ton firearm pis il fait pas de critical fumble, là. Ok. Je l'ai pas, mais c'est pas un critical fumble. Ok, ben you put a shitload of bullets comme dans le couloir. Assez que tu sais, comme les gars commencent à move off pour eux aussi pogner du cover, là. Tu peux tenter. Surtout qu'il avait jamais vu de Uzi auparavant. Tu peux tenter de pogner bullets, là. Ouais. Y'a pas eu de surprise d'avoir un petit gun comme ça, je suis tout en bullets, genre. Non, mais tu sais, c'est dans le feu de l'action, je pense pas qu'ils réalisent non plus, là. C'est encore... Ils ont tellement jamais vu de MAC-10. Mais tu sais, c'est ça, t'as le gars qui se tourne vers Devro, qui arrive pour tirer une balle, ça marche pas, puis tout d'un coup, il y a juste comme le couloir est filled with hot lead, là. À cause que t'as l'autre cave à l'autre bout du couloir. Non, c'est pas vrai. Il a manqué tout le monde, mais il y a pas des chances d'avoir pogné. Il a pogné zéro, là. Il y a juste 20 balles, come on. Là, il est obligé de recharge en plus? Non, j'ai encore plein de balles. Ah ouais, il y a encore plein de balles. 35, genre, t'as 35. Ok, puis Finley, son whatever weapon he was reaching for shotgun. Is ready. Shotgun is ready. Alright. C'est quoi le range du shotgun? C'est 20. C'est jusqu'à 50. C'est 10, 10, 20. C'est ça. Ah, c'est 10. C'est 10, 20. Mais ça diminue, c'est ça, ton pourcentage? Me shoot une slug. Ok, parfait, c'est quoi, c'est 2d6 ou 2d6. Ok, tu shoot sur qui? Le Thompson guy. Alright, you're just straight attacking. Alright, let's go. Alright, fuck it. Oh, tabarnak! Il est dangereux, Thompson. J'ai fait 90, 92. C'est correct, t'es plus pas un critical fail, ça serait 95. Alright, ben, you start pumping lead dans le couloir, là. Ok! Bon, ben, on recommence au début. Maintenant, au moins, vos guns sont prêts. C'est juste moi qui ai pogné, là. C'est encore à Devro, là. Ouais, c'est encore juste toi qui as pogné. Ouais, mais t'es pas under heavy machine gun fire non plus, là. C'est un petit peu moins stressant, là. Ben, moi aussi, je vais... Ah, je vais viser le crime boss, donc, hey, testi... Alright. Regarde, je vais aussi, avec toutes les guns semi-automatiques ou les shotguns, je vais vous permettre de... Au lieu de tirer une balle, vous pouvez en tirer deux, mais à half skill. Plus vite, là. Il peut viser que ça... Si tu aimes, tu tires pas ce tour-là, ça te donne plus 10% à chaque tour. Hmm. Ok, mais je vise la tête du crime boss. Ok, tu fais un cold shot ou tu aimes? C'est pas pareil. Je vais aimer. Tu vas aimer, ok. Fait que pour ce tour-ci, pour ce tour-ci, tu fais rien, ok. Tu vas en plus au prochain. Parfait. What does Johnson do? Johnson, il va vider les 15 dernières balles qui restent de son chargeur pour faire un burst. Ok, parfait. Ben, let's go. Prenez-moi ça. Les gars sont assez tightly packed pour le. Ah, c'est quoi? Dans le fond, il y en a. Le gars avec le shotgun il est un petit peu à côté. Tu peux pogner le Thompson guy et puis le head honcho. Pogner les deux. Nice. Thompson. Le kill radius est assez gros pour les inclure les deux. Je l'ai, okay. Je l'ai fait tantôt. Ok, là tu l'as. J'ai tiré 15 balles. Parfait. Là ton gun il va être empty. Sauf que là tu roules du kill damage. Fait que tu roules encore un descend. C'est quoi? Je suis mis en bas de mon pourcentage. Ouais. C'est combien? C'est 15? C'est 10. 10? Ok, vas-y. Pour chacun. Non, je ne l'ai pas. C'est combien? 87. Ok, 87 à 10. Fait que ça fait 15 de damage. Ben, les deux gars passent au Mach 10 quand même. Là, c'est les... les deux gars sont morts anyways. Là. You put about 7 bullets in each of them. C'est comme modern firearms. Puis ouais, t'es hose down. Là. Deadly firearms. Tu sais, quand je dis que les weapons sont rendus assez mortels. Ok, bon, ben, that's two guys out of three guns. Les deux gars qui étaient full health en plus. Il y aurait juste le crime boss. J'ai l'air que tout est comme tu aimes au gars, puis le gars il se fait juste devient une passoire. Le crime boss? C'est lui qui est dans un budget pour son shotgun à terre qui est dans l'argent. Ah, ok. C'est lui qui te shot dans le jeu. Fait que c'était à Finley. Finley il sort de son cover, puis il fonce vers le gars qui est dans l'air ramasse son shotgun. You're gonna charge him? Hey, why not? Holy shit! Ok. That's bold. Alright. Est-ce qu'il l'a pick up son shotgun? Non, parce qu'il a la main dessus. Au prochain tour, il aurait pu tirer. Là. C'est ça, mais je le charge puis je. Ok, ben coup. Donne-moi un strength time 5 si tu l'as, tu te rends temps. Un strength time 5? Ouais. Fail. Non, allez. Tu l'as, ok. Fais un melee weapon? Melee weapon. Shotgun butt. Crit. Crit? Wow, ok, tu fractures son crâne, littéralement, juste pow, pis comme t'as juste l'os qui cave in, pis sa face qui puff out automatiquement, pis... Damn, poor bastard never saw it coming. C'est quoi, c'est... Max damage! C'est max, ok, ouais, oh, ouais, c'est littéralement genre, comme tout l'os de l'œil renfonce, l'œil, it's fucking sick, the eye pops out parce que sa tête a comme compressé, pis blood comes out of his ear... you can actually see some part of his brain. But I won't think I think he won't recover. Fait que j'ai l'impression. Yeah. Regarde si les autres ils bougent encore à côté. Non, non, mais they're twitching. They're twitching. Donc sont-ils encore conscients? Non, non, they're twitching. Ils sont criblés de balles. Fait que ouais, mais le troisième gars est pas knocked out. Le troisième gars est fucking mort. En tout cas, du moins, il est brain dead. Oh, ouais. Tu peux rouler medicine si tu veux, je peux te donner un diagnostic exact. Yes, he's brain dead. No, you don't care. He's brain dead. Yeah. Je l'aime pas. Non, c'est rien. Yep, that. Yeah, he's dead. He looks pretty bad. Hey, I can save this guy. Hey, je peux-tu mettre ma coche quand même? Sure, why not? Hey, si tu l'as pas. Alright, fait que je vais demander des sand rolls à tout le monde pour ce qui vient de se passer. Ça a vraiment pas été long, t'avais raison. Ça a duré deux rounds. Guess what? I don't have it. Oh, that's not good. Je l'ai pas non plus. C'est juste un. One. C'est 13 que je perds dans cette séance-là. Ça fait 5 que je perds dans cette séance-ci. Tout à coup. Fait que toi, dans le fond, tu sors du cover avec une fumée de McCann. Non, c'est pas 5. J'ai pas en fait. Non. Ouais. Sors du cover avec une fumée de McCann. J'en ai perdu une note. Je pensais que t'allais dire avec un temporary insanity, mais non. Oh. Damn. Fait que, why? You just mowed down three Chicago gangsters? For no apparent reason. On the they were coming after us. Chicago, Angry, New York. Fait que, yeah. Telecare, Chicago. And honestly, I think this is a good point to stop the game. Stop. I said, damn. We'll pick up there next time. Hey, il y en a 45, c'est pas pire, hein? Hey, Johnson sort d'une pièce smoking, là. Fucking Mac 10, but... Holy shit.